Bonjour, dimanche 5 décembre. Un petit live que j'espère pas long, c'est-à-dire que ça va bien durer 2 heures. Donc, j'ai réécouté le dernier live comme ça, vite fait. Il y a des gens qui m'ont écrit aujourd'hui, là, plus sur des plateformes un peu plus rapides là, pour me rejoindre, mais finalement, bon, je vais répondre plus tard. Là, aujourd'hui, j'ai pas vraiment tout de suite la vibration de répondre, mais vraiment pas. Puis il y a des choses que je veux faire là, cet après-midi. Donc, j'ai réécouté le dernier live, puis j'en reviens pas, je me regarde aller. Je voyais comme il y a quelqu'un à un moment donné qui disait « Excroissance, ça dit quoi? » Puis par après, je vois tout de suite que, parce que j'étais plus dans le même mode, puis je vois que en fait, la personne, elle parle à une autre personne dont excroissance est le pseudo. Puis moi, je me mets à dire « excroissance, ça me dit quoi? » puis tout. Vous voyez comment je suis un niaiseux, dans le fond, dans le sens que je me souvenais même pas. Ça venait d'arriver. À un moment donné, ben j'ai pas la mémoire linéaire. Puis c'est comme ça, je passe pour un tata. Bonsoir, Marie-Jeanne. Donc, à un moment donné, je demandais, je dis « j'ai l'air d'un vrai fou. » Puis ça, je regardais ça, ça me disait « c'est correct, ça. » Sinon, le monde va penser que t'es intelligent. Puis après, je dis « ouais, mais j'ai l'air d'un vrai fou, c'est pas bien bon pour mon estime de moi. » J'ai un petit peu honte de moi, c'est bon ça, parce que tu vas finir par penser, tu vas te penser fin. Puis dans le fond, ben, je suis peut-être un tata. Bonjour, monsieur Trajan. Oracle le génie. Ben non, t'es pas con. Non, j'irai pas jusqu'à dire ça. Mais pas au sens où... Quand j'ai compris un peu, si on peut dire, là, quand j'ai entrevu c'était quoi de l'intelligence, je sais que je ne suis pas intelligent. Pas en tant que personnalité. Ma personnalité n'est pas intelligente. Mais de toute façon, c'est pas grave, c'est juste comique. Puis je n'ai plus vraiment de... Bon, à un moment donné, on se fout. On s'en fout hein, de ce que... Bon, là, gentil, vous ne me connaissez pas en privé. Vous savez, là, l'espèce de minou, là, le chat... Eh bien, finalement, ça clique pas là où je l'avais placé. Et il est de retour. Puis, je suis tellement gentil que si ça continue, c'est la ville que je vais appeler. Ben non, je vais essayer de trouver... Je sais qu'il va à d'autres maisons. Je vais essayer de trouver où il va. Puis, je vais proposer à ces gens-là de payer une partie des frais avec moi. Parce que, ben franchement, c'est ça qui me dérange. Là, j'ai pas envie de payer pour lui. Vous êtes pas fou, vous êtes... Non, je sais que je suis pas fou. Ça, je le sais. Mais... les fous ne doutent jamais de leur lucidité. Donc, doutant moi-même de ma propre lucidité, est-ce que ça ne vient pas la confirmer? C'est-à-dire une lucidité subjective et intellectuelle. Hein? Super, bon, ben c'est bien gentil. Salut, je ne vais pas me rabaisser, vous savez, c'est les circonstances et ma façon d'agir qui vont servir tout le temps à faire en sorte que je ne me prenne pas au sérieux. Puis que je reste d'une certaine objectivité à ce niveau-là. Là, tu vas trouver pour le chat. Tu trouves pas pour le chat, ben là, je sais pas, là, c'est juste que je suis un petit peu tanné, là. Il m'a coûté au moins 300$, là, à date. Je commence à trouver ça cher, là, pour un chat qui est pas à moi, puis que j'en veux pas de chat. Là, en plus, là, l'opération, c'est quoi, 240$? Ah, puis ici, la puce est obligatoire, il faut que je la fasse pucer, il faut que je paye en plus pour faire pucer le chat. Voyons donc, il n'y en est pas question. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des puces, mais pas une puce unique que je paye pour. Ben non, ça me dérangerait qu'il y ait des puces. Donc, de quoi je voulais parler? Oui, il y a certaines choses qui ont été dites dans les derniers mois que j'ai dit, comme par exemple... qu'il y aurait un reconfinement, puis des choses comme ça. Puis là, il a été question d'extrapolation, puis de récupération par l'astral. Moi, je tiens à dire que je persiste et je signe. Parce que je pense que là où je me trompe, là où c'était par déduction, c'est juste au niveau du timing. Donc, je persiste et je signe. C'est trop fort, dans le sens que je le sens trop comme un réel, ça. Je suis encore persuadé que ce n'est pas non plus lié à de la peur, au contraire. Donc, j'ai deux chats, j'en prête un. Ben oui, mais ici, il y en a beaucoup des chats. Il n'y a personne qui va me le louer. Mais moi, je ne prête pas des choses. Là. Non, c'est une blague. Bonjour, Saul. Donc, je repensais à ça, puis je me disais, je vraiment pensé, là, je le réfléchissais, je me disais, est-ce que j'ai été subjectif par rapport à ça? Puis ça me disait, non, c'est une affaire de timing. C'est une affaire de timing. Je pensais que ça serait pour l'automne, mais non, je sais que ça va arriver. Mais peut-être c'est juste au niveau du timing que bon. Pourrais-tu donner ton avis sur l'apocalypse de Jean avec le symbole de la marque de la bête? Oui, je pourrais. Mais ça me tente pas. J'en ai déjà parlé de ça. Je vais en reparler à un moment donné. Mais oui, moi, mes yeux, c'est important. Hein? C'est un livre important, l'Apocalypse. Mais bon, à un moment donné, oui, je vais en parler. La peur est un poison. Ouais, ben, tant mieux. Ça veut dire que j'ai pas beaucoup de poison. C'est pas par peur, là. J'ai jamais été dans un mouvement de peur. Puis, je suis tellement, même que ça peut me desservir parce que j'ai tellement pas peur. Par exemple, là, il y a beaucoup de gens qui vont se bloquer par crainte d'être récupérés par l'astral ou par la crainte de l'utilisation de l'astral au niveau d'une subjectivité de l'interprétation d'autrui par une peur. Ben non, moi, j'ai pas ça. J'aurais jamais, je vous promets que je ne m'auto-censurerai jamais. C'est une promesse que je vous fais. Mon intuition me dit que Zemmour pourrait être le Trump français. Moi, ouais. Vous savez, qu'est-ce que je parlais donc? Ah oui, je disais, je me demandais, j'ai dit ces choses-là que j'ai vues dernièrement comme des possibles plus que probables, comment ça se fait que finalement c'est pas à l'automne? C'est en train d'arriver, mais lentement, puis ça me dit, c'est juste une affaire de timing. Puis il est arrivé quelque chose qui m'arrive pas souvent. Bonjour, je voudrais savoir ce que vous pensez du Reiki. Ben, c'est du magnétisme. C'est des passes magnétiques. Les Japonais n'ont rien découvert de particulier, là. Je veux dire, toute la planète, c'est ça, là. C'est du vieux stock, là. Un jour, on en reparlera peut-être. Bonsoir, Stéphanie. Donc, j'y est arrivé quelque chose de rare. Je suis encore en train de penser au Reiki. J'avoue que ça me déstabilise un peu, là. Parce que j'en aurais long à dire sur ça, j'ai rien contre ça, là. Vous savez, même dans les évangiles, il y avait des impositions de mains pour guérir. Fait que ceux qui disent que c'est des démons qui font ça, pas nécessairement. Là, à un moment donné, il faut arrêter de dénigrer tout ce qui n'est pas dogmatique là-dedans. En tout cas, parce qu'en ce moment, il y en a, ils attaquent pas juste le Nouvel Âge, ils attaquent tout le monde. Parce que c'est des fanatiques religieux, dans le fond. Et moi, j'ai bien de la misère avec ça, le fanatisme, parce qu'on sait d'où ça vient. Parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que ceux qui voient le diable partout sauf chez eux. Hein? La paille dans l'œil du voisin, là. Ah, il n'y a pas ça, tasse aujourd'hui. Ben oui. Chris, vous êtes tombé superficiel. Je suis pas aujourd'hui, j'avais quelque chose à dire. Bon. OK. Fait que c'est ça, il est arrivé quelque chose hier. D'erreur, j'ai été beaucoup interrogé par rapport à ça. Puis j'ai beaucoup. Au niveau de l'interne, j'ai eu une certaine confrontation par rapport à l'information. Puis, je disais, ben voyons, est-ce que je suis devenu subjectif? Puis finalement, j'ai dit des choses, parce que c'est assez rare d'habitude. Là, ça me disait, non, non, c'est juste une affaire de timing. Et puis, je me suis retrouvé fatigué. Vous savez, dans les premiers temps, il y a quelques années, des fois, je tombais tout d'un coup, fallait que j'aille me coucher, puis ça me disait on a affaire à toi, on a affaire à toi. Puis finalement, pendant le sommeil, j'étais, si on peut dire, confronté à des intelligences derrière la forme, puis de l'information qui arrivait sous des formes imprévues, dans des espèces de rêves qui ne sont pas des rêves au fond, qui sont très différentes. Donc finalement, pour la première fois depuis plusieurs années, hier, ça m'est arrivé. Puis j'ai fallu que j'aille m'étendre un peu. Puis là, dans un état entre la veille et le sommeil, que j'ai fini par dormir un petit peu probablement. Comment ça se compare? En tout cas, je vais poursuivre le chat, là. Puis, finalement, j'ai fait une sorte de ce qu'on pourrait appeler ce que pas un rêve, ni même ce qu'on appelait anciennement un songe, mais j'ai vu quelque chose. Puis là, quelque chose, je vous l'ai écrit ici. Quelque chose qui va possiblement être un point culminant. Par rapport à, mais je sais pas, je veux pas me prononcer au niveau du timing. Je veux pas me prononcer au niveau du timing parce que c'est souvent là que ça accroche, que je fais faire des erreurs. Mais ce dont, quelque part, que j'ai vu, puis c'était très très fort, c'est ça ici. Donc, ceux qui savent pas, Rho est une lettre grecque qui vient de phénicien, qui veut dire tête. Puis je pense que ça va être le point culminant. Parce que pour les initiés de la connaissance, les cycles sont représentés par, vous savez, là, Ouroboros. Et la fin ou le début d'un cycle, c'est là où il y a la tête, entre autres. Mais ça veut dire que, vous savez, là, les kabbalistes, c'est d'eux que viendrait le jeu, serpent et échelle, entre autres. Là. On monte les échelles et on descend des serpents. Donc la tête, en tout cas. Mais ça a été, j'ai trouvé ça assez troublant. Puis dans cette espèce d'espace informationnel-là, il y avait quelqu'un d'autre avec moi. Un médecin qui est très connu puis que je n'aimerais pas. Mais quelqu'un de bien, là, que je considère comme quelqu'un de bien, même si un peu naïf. Mais ça, c'était au niveau des intelligences derrière la forme pour m'expliquer ce de la prophétie, puis ça n'en est pas. On va te donner quelque chose, que ce soit qui m'a été donné. Donc là, à cette heure que ça s'est dit, je vais aller voir un peu là, ce que vous avez écrit pendant que j'essayais de me concentrer. Donc, bonjour, je voudrais savoir le Reiki. Moi, j'en parlerai à un moment donné plus. Ma tasse, je l'avais. Transfert et transmutation. Oui, vous savez, il y a quelqu'un qui critique le Nouvel Âge, qui est une bonne chose, qui a fait une espèce de tableau dernièrement où elle mettait les mots là, subjectifs de ce qu'on pourrait appeler ces méandres-là, les méandres du Nouvel Âge. Puis dedans, il y avait le mot transformation. Ça, c'est typique du Nouvel Âge. Dans les milieux qui est le nôtre, on parle plus de transmutation. Parce que pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de retour en arrière. Transformation, c'est un vieux mot. Il y a quelque chose d'involutif au niveau de la forme. Donc, Zemmour est absolument pas comparable à Trump. Non, mais là, la personne, elle parlait au niveau d'une fonction. C'est sûr, le contexte est différent. Est-ce que les États-Unis sont comparables à la France? Donc, ça sert à quoi de comparer? Bon, OK, là, c'était par rapport à ça. OK. De toute façon, Belinda, c'est là, mais il boit pas dedans. Il la promène dans les arbres. Je bois de temps en temps, là. Sinon, je vais cliqueter comme un insectoïde en parlant. C'est la tasse éthérée. Vous êtes donc bien. Vous êtes assez léger, hein, aujourd'hui. Enfin, je vous écoute en direct. Ah, bonjour, Monsieur Trudel. Qu'est-ce que tu penses du métal à la réalité à venir? Je l'ai dit dans une vidéo, ce que j'en pensais. C'est une cristallisation du virtuel, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas réel, c'est-à-dire que ça va encore, c'est au niveau justement de créer une subjectivité. C'est un peu une cristallisation de ce qu'on appelle entre guillemets l'astral. Allez, à mes yeux, je le vois comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose là-dedans d'une subjectivité qui essaie de devenir objective, mais qui pour se nourrir elle-même. Donc, moi, de toute façon, je ne suis pas sur les réseaux sociaux, puis ça ne m'intéresse pas, puis bon. Bonsoir, Madame Kusmanovic. La dernière fois, on a parlé de groupe sanguin. O négatif, elles sont des problèmes de d'acidité, mon poteau. Il me semble que c'est pas, je sais que je suis haut, mais c'est pas négatif, là, c'est... Même ça se peut qu'on m'achète un jour pour que je donne du sang. Bonsoir. Que penses-tu de la crise alimentaire, de l'effondrement économique? Ben, il y a quelque chose là-dedans de réel, mais il y a aussi quelque chose là-dedans qui est lié à apeurer les masses. Vous savez, il y a eu tellement une décroissance au niveau de la production, puis tout que. Finalement, une crise comme on a eu la dernière fois, il peut y avoir une croissance après. Donc, mais c'est certain qu'il y a certaines choses qui ne sont plus fabriquées. Puis, ben moi, mes yeux, c'est la haute finance puis les banquiers transnationaux. Là, c'est eux qui font les pénuries au fond. On a affaire à de l'artificiel. Donc, j'en m'inquiète pas. J'ai aucune peur de ça. Vous savez, là, j'ai des ingrédients secs pour des années d'accumuler. Pas parce que je prévoyais une crise, là, tout simplement parce que j'ai toujours agi comme ça. J'ai toujours... C'est étrange, ça. Je cherchais un certain type de riz glutineux et je ne le trouvais pas. Et à chaque fois que je voyais un gros sac de riz que je ne connaissais pas, puis que je me disais, ah, c'est peut-être le riz que je cherche, je l'achetais. Ce qui fait que j'ai du riz là, pour. J'ai fait ça longtemps, là, un bout de temps, puis je l'ai toujours bien entreposé. Il est encore potable. Que penses-tu de. Bon, la seule chose qui est vraie, c'est. Bon, ben là, non. Parce que c'est supposé être vous n'êtes pas supposé me considérer comme plus vrai que vous-même. Jamais. En tout cas, mon avis sur l'ADN poubelle. On pourrait en parler longtemps de ça. Mais il n'y a aucun gène qui est réellement inutile. Il n'y a que des mauvaises configurations. Puis bon. Mais oui, on a affaire à de l'ingénierie. On n'est plus dans l'ingénierie sociale, là. C'est plus juste là, là. On entre dans une autre phase de la gestion des masses. Est-ce que vous connaissez la chaîne Or Matrice? Vous savez, moi, je l'ai dit souvent, je ne sais pas quoi. Je n'écoute pas beaucoup d'autres chaînes. Je n'écoute pas vraiment la mienne non plus tant que ça, là. Des fois, je vais revérifier des choses que je dis parce que je l'oublie à mesure. Mais je n'écoute pas vraiment beaucoup d'autres chaînes. Vous savez, moi, ce que j'écoute le plus sur Internet, c'est des niaiseries, des conneries. Se faire vacciner ou non, est-ce un vrai choix? Ben, vous savez, vous pouvez être conditionné à boire soit du Pepsi, soit du Coca-Cola. Est-ce qu'il y a là un choix? Dans le sens que, vacciné ou pas, l'environnement est manipulé. Vous savez, ce qu'un poisson mange pas, on peut le mettre dans l'eau, puis le. Donc, c'est un vrai choix. Vous voulez dire par rapport au psychologique, si vous suivez la vibration, on pourrait presque parler de vrai choix, mais comme vrai choix, ça a quelque chose d'un mental polarisé un peu, le vrai choix. Un choix, c'est un choix. Est-ce que c'est un choix réel? Est-ce que c'est réellement un choix? Là, ça serait plus. Ça dépend. Ça dépend. Le palais est marié. OK. Ah oui, bon. Ben, vous savez, moi, je lis, hein. Je ne vais pas me mettre à. J'ai pas la. J'arrive. J'ai de la difficulté à me rappeler qu'il y a du quoi, ben, franchement. Là. Fait que. Mais c'est ça, mettez les noms en. Si vous pouvez, là, comme ça, je vais le voir. Hein. Il n'y a rien de mal si. Bertil. Lis les commentaires en même temps. Ben oui. Ben oui. De toute façon, si je lis les commentaires, c'est parce que je vois quelque chose. De toute façon, là, au pire, allez vous jaser en privé. S'arrangez-vous pour vous retrouver. Puis, qui a dit cela? Je ne sais pas. De quoi est-il question? Non. Est-ce que c'est un choix réel? C'est intéressant. Parce que vous les voyez-vous, c'est intéressant. Ça. Donc, que c'était mal. De quoi est-ce que vous parlez? Vous voyez là comment je suis un gnochon, je suis complètement perdu. Bon, au moins les gens rient. Ah, le roi Shlomo est présent. Moi, je me rappelle, vous étiez à la fin d'un des derniers lives, mais je me rappelle plus lequel, vraiment. Bon, vous savez, moi, je me méfie des compliments. Faut pas trop me complimenter. Une fois, j'avais appelé, ça a donné il y a plusieurs années, ça fait longtemps, j'avais eu André Moreau au téléphone. Puis là, il s'était mis à me complimenter. Ça a mis fin à la discussion. Ça a mis fin à la discussion parce que je vois, bon. Je lui avais posé une question très claire par rapport à, si on peut dire, sa doctrine, quelque chose que je trouvais contradictoire ou. Puis là, il s'était mis à me complimenter. Ah, oh, vous êtes un jeune homme bien. Il me complimentait au lieu de répondre. Je dis, ouais, bon. Puis là, j'ai compris que j'allais pas lui parler encore très longtemps. Je l'ai revu plusieurs années plus tard parce que quelqu'un m'avait amené chez lui. Donc. Puis, mais c'est pas parce que je suis pas un disciple de Moreau, là, aucunement. Mais je voulais le voir le phénomène en personne. Je voulais voir le phénomène en personne. Puis là, il était très gentil. Quand même, ben, c'est certain, hein. Faut être gentil. C'est un peu comme quand je vais me magasiner des souliers aussi, ils sont très gentils, les gens. Toi, l'air, la sauce, ça. Pour toi, est-ce que la vibration christique est différente de la vibration supramentale? Ça dépend. Parce que la vibration christique, comme on la connaît, c'est par l'entremise de témoignages. Est-ce qu'il y a des Christ en ce moment dont nous pouvons goûter la vibration? Donc, puis à mes yeux, il est clair que le Nazaréen, le Christ qu'il disait, ça n'est pas de son intellect, au contraire. Donc, pourquoi vouloir se demander s'il y a une différence? Puis tout ça amène à la même chose à mes yeux, ça ramène... C'est tout lié, donc. Mais là, oh, il y en a qui ne seront pas contents que j'ose dire des choses comme ça. Il y en a qui ont fait du Christ leur chose à eux. C'est ça qu'on appelle des doctrines puis des religions. Je dis pas que c'est mal, je dis pas que c'est pas correct, là. Mais ça engendre la subjectivité, c'est ça que je veux dire. Un effondrement psychologique se ressent, on n'a rien à faire, mais en même temps, ceux qui sont un peu dans le réel ont une fonction. Bernard parlait du projet Costa Rica. Oui, puis ça n'a pas marché. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu Roche Sauvage aussi. Puis après, il y a eu d'autres affaires. Imaginez que c'est à cause de la crainte et de la peur que ça n'a pas marché, le projet Costa Rica. Pourquoi? Parce qu'au Costa Rica, à un moment donné, sur une piste d'aéroport, ils ont été témoins de ce qui semblait être une transaction, une grosse transaction de drogue. Il y en a qui ont eu peur. Comme si aller construire un resort en Haïti, c'était plus intelligent. Pourquoi pas aller construire une marina en Somalie? Tant qu'à faire des choses. Vous savez, mon frère, à un moment donné, il pouvait pas aller à certains endroits en vacances, donc il a décidé d'aller au Honduras quand il m'a annoncé ça. J'ai dit, oh! Oh, ouais! Eh bien, je pense que tu ne retourneras plus après. Moi, j'ai pas besoin d'y aller pour savoir que j'ai pas d'affaires. Lui, il a dû lui y aller. Puis quand il est revenu, il a compris qu'il n'irait plus jamais là. Mais ça ne veut pas dire que les gens du Honduras ne sont pas corrects. Ce que je veux dire, c'est que on ne faut pas courir après les problèmes. J'avis le processus christique qui, selon moi, est très voisin au supramental. Vous vous rendez compte, là, c'est gros ce que vous dites. Si vous étiez en personne, là, avec moi en personne, là, on jaserait de ça plus profondément pour voir ça, voir si c'est pas justement de l'astral, pas juste la forme, là, le processus christique. Là. C'est pas supposé être un processus, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, la manipulation par la peur, pourquoi est-elle encore aussi efficace? Mais pourquoi? Parce que c'est pour pallier de l'information, l'être humain n'est pas intégral. Donc, il y a des vides en lui. Demandez-vous pas pourquoi c'est l'inconnu puis les vides qui sont les plus grandes peurs. Dans le live du 20 novembre, tu parles de Horovitz. Non, je parle Okorovitz. Quel ouvrage qui est le plus intéressant? La suggestion mentale de Julian Okorovitz. Parce que le monde a peur, oui, mais la personne demandait pourquoi. Ils ont peur, dans le fond, il y avait quelque chose de... Lillian, là, quelqu'un s'adresse à quelqu'un d'autre. Je suis heureux de ne pas avoir investi en Haïti. Ah, comme vous me surprenez là, c'est drôle ça, d'où ça venait cette idée-là d'aller investir en Haïti. Moi, j'aime beaucoup les Haïtiens. Vous savez, il y a une différence entre investir... en Haïti et investir dans des Haïtiens. Ou, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est très différent. Vous avez parlé dernièrement de gymnastique mentale. Je connais cette pratique. J'ai parlé de ça, moi. Mais j'en parlais pas en tant que pratique. Là. Mais à quoi sert-elle ou de cet exercice? C'est parfois fascinant. Merci pour... Quand je parle de gymnastique mentale, habituellement, je parle de l'intellect. Je parle simplement de la fonction d'intellectuer. L'être humain intellectualise sa conscience, il subjectivise sa vue. C'est comme ça qu'il tombe dans le virtuel et qu'il n'est pas dans le réel. Je ne parle pas d'une pratique... Attention, les mots, il ne faut pas interpréter ce que je dis. Des fois, c'est simplement... c'est apprendre carrément, même pas au sens littéral, c'est plus clair que ça. Suite à la réponse que Costa Rica, il n'y a pas de hasard avec dont la peur, etc. encore si près du réel. Ben oui. C'est parce que le projet Costa Rica, c'était pas Bernard tout seul, là. Il y avait d'autres mondes. Dans une vidéo, BDN laisse entendre que l'esprit descend dans la matière quand l'individu est prêt. Oui, il y a quelqu'un qui m'a écrit dernièrement, puis c'est ça que j'ai eu à verbaliser par l'écrit. Dans un autre, qu'il faut le faire descendre. Ben oui, mais c'est sûr. C'est que voyez-vous, l'esprit descend, regardez ce que vous écrivez, que l'esprit descend dans la matière quand l'individu est prêt. Dans une autre, il dit qu'il faut le faire descendre, c'est-à-dire qu'il faut vous préparer à devenir prêt. Mais ce n'est pas un processus volontaire au sens psychologique du terme. Il y en a qui m'écrivent, ils veulent que je les aide à entrer en initiation. C'est qu'au niveau. Nous, quand on parle de l'initiation, c'est pas comme au sens des initiés de la connaissance ou des spiritualités, là. Se mettre en initiation, c'est se mettre dans la marde, débrûler de la subjectivité par de la souffrance expérimentale. Et ce qui est recherché dans le supramental, c'est censé être l'intégration, en si possible, en évitant l'initiation. Donc, c'est pour ça les mots ici sont très importants. Donc, inconnu, c'est le réel ou est la peur? Ah bon, je pourrais adresser peut-être à quelqu'un. Bonsoir. Les cochons. OK. Désolé. Ah bon. Camille, ouais. Bernard disait qu'en Haïti, c'était le lieu où c'était la plus grande basse vibration au monde. Ben, peut-être parce qu'il n'était pas allé ailleurs, il y a pire, là. De toute façon, dans chaque lieu, comme vous allez juste à Montréal, Montréal a ses enfers. N'oubliez pas que l'astral est une copie du plan matériel, puis que d'une certaine façon, on pourrait parler de chaque ville, chaque agglomération, chaque pays. On peut faire des liens, puis chaque endroit a ses enfers. Son bas astral, si vous voulez. Donc, la basse vibration, vous en trouverez partout, si c'est à ça que vous vibrez. Moi, je dirais, là, ce qui est dur à battre, là, c'est la Californie. Puis je suis jamais allé. Mais tout ce qui vient de là, souvent. Content que tu lèves ce soir. Je souhaiterais te demander, vu qu'il y a un glow qui prétend que le 21-12-21, jour à chiffre miroir, la Terre va avoir un portail de dessus des mois, là, je suis tanné dessus. J'en ai plein le cul de ces affaires-là, comme le 11 du 11, puis ces conneries-là. C'est pas que c'est des conneries nécessairement, mais au niveau de la forme, les formes que ça prend. Là. Vous savez, ce qui va arriver va arriver. On n'a pas besoin de commencer à faire. J'ai bien de la misère avec ça. Si ça t'intéresse de chatter, je suis sur Messenger. Ah, ouais, ben, vous savez, c'est assez. J'ai déjà beaucoup de monde à qui. Ça me prend beaucoup de temps pour répondre, puis bon. Bon. Bonsoir, la communauté. Je plaisante pour dire OK, bon. Ben, vous savez, c'est parce que le porc a une symbolique avec une mémoire derrière. Prenez, par exemple, vous vous rappelez dans les évangiles, à un moment donné, le Nazaréen, il fait un exorcisme. Un exorcisme d'une entité collective qui s'appelait Légion. Là, il y a ce qu'on appelle un chef-tête de l'entité grégorielle qui dit nous sommes Légion. Puis quand ça sort, ça s'en va dans un troupeau de porcs, puis les porcs se jettent dans la mer. Or, si vous regardez, il y a quelque chose qui accroche, c'est que là où ça se passe, il n'y a pas de mer à proximité, il n'y a pas la mer à proximité. Donc, de quoi il est question? Le porc a une certaine symbolique. Puis pourquoi est-ce qu'il y a des gens en Judée élèveraient des porcs à cette époque-là? Et c'est encore là. Il y a quelque chose là au niveau de derrière la forme. Comment as-tu ton prénom? Ben, c'est pas mon vrai prénom. C'est un pseudonyme que j'avais pris pour un forum. Puis je l'ai gardé. Puis ça m'était venu comme ça. Ça m'était venu comme ça. Puis. J'étais pas au courant qu'il y avait. Par après, j'ai vu qu'il y avait eu un archevêque de ce nom-là, puis il y avait eu des intellectuels dans le passé. Donc. Times Square à New York, j'ai eu comme une crise d'épilepsie, nausée, vertige. Ben, vous savez, c'est parce que Times Square, C'est un lieu de verdure qui a une forme caractéristique, là, ce grand rectangle. Puis autour, vous avez toute la New York, le New York Citadin autour. Donc, ça va créer des ondes concentriques, si je puis dire. Puis ça devient comme une éponge, là, parce que c'est le seul endroit qui est resté un peu naturel. Donc, ça devient un point de concentration. Moi non plus, je pense pas. Il paraît que c'est joli, là. Je suis certain que c'est beau, puis ça dépend. Mais quelqu'un de bien, bien sensible, là. En tout cas. Ah, vous parlez, c'est vrai, moi je me mélange avec Central Park. Times Square, c'est sur la rue, là, où il y a plein de. Ben, ça aussi, c'est un lieu ouvert où il y a plein de tout ce qu'il y a, tous les écrans partout, là. Oui. Ben, c'est sûr, ça aussi, ça fait un point de concentration, ce qui va avoir des. Ça devient concentrique, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ça tourne beaucoup autour, puis là, c'est comme le point, un point. Prenez ça comme une ruche, là, où. Oui, c'est une vibration de marbre. Mais vous savez, il y a un endroit à Tokyo là, où les gens. C'est l'allée piétonnière la plus achalandée au monde. Ça doit pas être bien ben mieux. Là. De toute façon, j'ai jamais été attiré par les. J'avais un ami qui aimait beaucoup New York. Il disait oh, la vibration de New York. Lui, ça l'énergisait, ça. Moi, je dis c'est drôle, mais ça m'attire pour 2 secondes. Moi, New York, là, j'ai rien à faire de. Imaginez-moi dans une place comme Londres. Ouais, je finirais par avoir des problèmes. Ben, je serais pris à Paris à me faire engueuler après. Non, je finirais par m'en aller. Donc, oui, c'est pour ça que l'Ancien Testament ainsi que les musulmans, les juifs, ne mangent pas de porc. Ouais, mais là, encore là, il y a une certaine symbolique. Pour ça, à l'époque, c'était une viande dangereuse. Mais prenez New York, justement, là, on parle des juifs, là. À New York, il y a un Wall Street qui est comme là, un mur de. Vous savez, là, un mur de lamentation, si on peut dire, mais là, c'est le mur des actions. Je propose que tu laisses des coordonnées PayPal ou autre afin que ceux qui souhaitent te faire des dons puissent le faire. C'est quand même précieux. Ben, vous savez, moi, j'ai toujours dit que j'ai un petit problème avec ça dans le sens que. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui me côtoyaient qui disaient que j'avais la vibration de l'argent. Parce que c'est vrai, bon, j'aime les souliers cirés, puis les longs manteaux de cachemire, puis comme je fais exprès pour être le plus ordinaire possible. Mais il reste que si je t'ai invité à une soirée de gala, j'ai ce qu'il faut pour me rendre sans rompre avec la vibration de ce qu'est une soirée de gala. L'affaire, c'est que. J'ai à intégrer mon action à moi. Puis je considère que de la vibration, ça se marchande pas. Puis qu'il y ait quelque chose de marchand, la marche, vous savez, je l'ai déjà dit, la notion de commerce vient du subtil, de l'astral. Puis à un moment donné, peut-être que je vais le faire, mais j'ai pas la vibration de prendre des dons. Donc, la gayamitria, la science des dons. Ben là, attention, parce que c'est au niveau souvent de l'être. La gayamitrie. C'est de là que vient grammaire. C'est de ce mot-là que vient grammaire. C'est parce qu'en hébreu, les lettres ont des valeurs numériques. Donc, être cool, pas de forme, le défi de l'âme et non la gayamitrie des sophistes. Oui, ben vous savez, les mystiques musulmans aussi ont des connaissances, mais le supramental, c'est lié à un savoir qui est censé briser les formes qui contiennent de l'énergie pour que ce soit réacheminé à l'ego en fusion au niveau d'une conscience intégrale puis de l'intégration du réel. Donc, bon. Les musulmans reconnaissent le Nazaréen comme un prophète. Oui, ben, certains juifs aussi. Je sais que ça peut sembler surprenant, mais le problème, c'est que c'était pas un prophète. C'est plus que ça. Vous comprenez? C'est là que ce qui fait la différence avec. Tu aimes l'argent, mais ta conscience veut qu'il soit acquis selon ton choix. C'est plus au niveau, moi, d'une créativité. Pour moi, l'argent est un support qui est neutre à la base, puis c'est très important, mais c'est important, l'argent. Les gens spiritualisés, souvent, vont se mettre en initiation, vivre de grandes souffrances liées à la pauvreté, puis auront ensuite réintégré le fait qu'ils étaient naïfs par rapport à ça. En 2000, on m'a donné 18 ou 186 avec insistance près de juin. 18, j'ai observé et période très calme. 18 plus 6, 24, ça parle un peu plus. Ils m'auront baladé pendant 24 ans. Ouais, je pense que je comprends ce que vous voulez dire. Ben oui, je peux pas vendre. La vibration, ça se marchande pas. Dans le sens, ça fait son chemin à travers des formes. Il y a là ce qu'on pourrait appeler l'onde. Vous vous souvenez, là, l'opéra là, de Rameau, là, c'est dans les Boréades, là. Le doux calme des airs invite à voguer sur l'onde. Il y a des choses, des fois, que je sens que c'est peut-être. Je fais bien. Il peut mettre dans le chat en bas. Bon, oui, mais là, moi, j'en ai pas de compte pour recevoir des dons. J'ai un compte PayPal pour faire des achats. Mais là. Mais là, il faudrait que je mette un chose de code. Je n'ai pas la vibration de. Pourrais-tu nous parler du réel plexus cardiaque que tu as évoqué dans. Bon, non, il y a le plexus solaire qui est au niveau de l'épigastre. Mais il y a un point. Il y a un autre point qui lui est un petit peu plus haut et un petit peu plus à gauche. Si vous connaissez des gens qui sont très connaissants au niveau du magnétisme, ces choses-là, ils vont vous le dire. Mais imaginez que. Au niveau de la colonne vertébrale, que l'énergie ne descend pas dans une ligne droite, mais qu'elle fait des zigzags. Donc, un peu comme les kabbalistes, là, sauf qu'eux autres, ils s'en servent pour subjectiver des choses puis créer des modèles de synthétisation. Mais moi, je vous parle au niveau de la réelle éclair. Là. Il y a des points à chaque côté. Prenez les méridiens des Chinois, vous allez avoir un indice. Là. Donc... Bonsoir, j'aimerais savoir pourquoi j'ai vécu des initiations contact réglucidec, puis plus grand chose. Ça mène à... Ben oui, mais c'est normal. Vous savez, là, les périodes de calme, c'est supposé servir justement à, si on pourrait dire, la digestion. Puis aussi, vous êtes surveillé là, pendant ces périodes-là, dans le sens que votre réel potentiel, votre réelle intelligence qui n'est pas subjectivée par l'intellect puis par l'ego, il s'assied ça. C'est dans le sens que c'est l'ego, lui, il veut connaître, mais il y a des affaires qui savent au-delà de lui. Puis, c'est juste normal, puis c'est juste correct. Dans ce temps-là, vous avez la paix. Si vous êtes dans un corps de désir de vouloir à tout prix vivre des choses, puis c'est là qu'il se manifeste, il va se manifester moins de choses. Plus vous allez être dans le désir de vivre des expériences extraordinaires, puis plus ça va être tranquille, il y a des bonnes chances. Donc... opposé à M. Sabourin qui dit qu'on ne peut pas accéder au supramental sans contact avec un éveillé. Il défend ça. Oui, mais regardez ici, là, c'était comme ça. Ça se répandait comme une maladie par contagion. Il vient d'où le premier éveillé? Il est devenu éveillé comment? Je veux dire, sinon, il n'y aurait personne d'éveillé, là. Parce qu'il faut que ça suive une ligne, une chaîne. Prenez Bernard, là, en 69, il a vécu un des gros chocs, souffrant, l'enfer. Ça, ça engendre des choses. Là. Il y a des forces qui descendent, pas besoin de là, il y a pas, c'est pas juste des contacts horizontaux. Là. Monsieur Sabourin, là, c'est certain que lui, bon, il prêche pour sa paroisse dans le sens que lui, il fait payer pour sa vibration, dans le sens au niveau individuel. Donc, c'est correct qu'il dise ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Peut-être qu'il pense ça aussi. Mais lui-même, quand il était avec sa conjointe dans ce temps-là, puis qu'il voyait Bernard parler sur le canal Vidéotron, puis que là, il regarde sa blonde, puis il dit « Ah, c'est de ça que je parle, c'est de ça que je parle. » Y avait-tu eu un contact, lui, avec un éveillé, pour savoir que c'est de ça qu'il parlait? Pensez-vous que ça se répand par contagion comme une maladie? Les gros chocs de vie qui finissent par être intégrés parce que l'être humain est en mutation, l'être humain n'a pas le choix de sortir de l'involution à un moment donné parce que c'est des lois cycliques. Pensez-vous que ça se fait avec des contacts sociaux? Que c'est un phénomène social, l'éveil? Calice, le Christ, à un moment donné, là. Moi, j'avais déjà parlé de ça par écrit, puis pouf, il n'y avait plus de son, plus d'image. N'est pas capable de me répondre là-dessus parce qu'il y a là quelque chose de paradoxal qui ne se tient pas. Si c'est la seule façon, pourquoi? C'est parce qu'il y a un certain mépris pour le monde, dans le sens qu'il pense que vous n'êtes pas capable, que le monde à qui il s'adresse, c'est des niaiseux. Quelque part, il y a quelque chose de ça. Ben, à un moment donné, Chris, faut lâcher la dominance puis aimer le monde. Faut aimer le monde pour être objectif quand on parle. À un moment donné, ça va faire, là. C'est peut-être pour rien qu'il y a des automatismes. C'est peut-être pas pour rien qu'il y a des programmes, justement, genre ponctuer ces phrases. Voyez-vous, voyez-vous, le voyez-vous, vous voyez-vous. Moi, à un moment donné, c'est pour ça que j'ai jamais eu affaire à lui longtemps en personne, même si c'était juste par Skype. Je vais me choquer, Carlis. Bon, je vais arrêter, là, parce que tu sais, c'est pas de mes affaires, dans le fond. Puis je l'aime bien, lui, là, c'est un bon bonhomme. Mais l'affaire, c'est qu'à un moment donné, ben, chakra genou entre les pieds plus bas, poignet, très intéressant. Ouais, mais regardez les cuisses, là. Je veux dire, entre ces points-là, il y a d'autres points séparés qui sont en miroir. En tout cas, vous regarderez ça comme vous voulez, là. C'est une forme de dire bien ou pas bien d'avoir la vibration. C'est pas que, dans le sens, pas ajusté. C'est pas objectif, ça peut subjectiver mon contact avec le monde. Comprenez, là, c'est plus un peu. Donc, moi, j'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que ça se fait pas, dans le sens, ça va plus mal. Si vous vendez la vibration, là, ça atténue, là, ça change la vibration. C'est une autre forme, c'est une forme vendue. Il y a un packaging, là, et c'est différent. Donc, en tout cas, si c'est pur et réel, c'est correctement, oui. De toute façon, de la vibration, vous en émettez chaque fois que vous êtes en contact avec du monde, chaque fois, juste le fait d'être en vie. Imaginez, il y a tout un échange. On vit dans un monde où ça passe d'une structure à l'autre. T'sais, on est dans un monde dynamique. Il y a du spatial. Il y a du temporel, donc, bon. L'argent, c'est juste un support. Que faites-vous pour votre corps de la marche qui vous fait du bien? Ah, oh, je fais toutes sortes d'affaires, moi. Pas mal de choses. Mais là, c'est vraiment intéressant. Non, moi, je pense être plus actif que la moyenne, là. C'est ce que vous voulez. Mais oui, je marche beaucoup. Ben, moi, j'ai pas de voiture. Donc, je marche beaucoup, nécessairement. À part ça, j'ai pas envie d'entrer dans les détails, là. Je fais des exercices bien ordinaires, là. Pendant toute une période, quand je dormais et que je me réveillais, le temps d'une fraction de seconde, je voyais tout le temps une personne debout à côté de mon lit. Ça m'est arrivé, ça, c'était un couple, puis ils parlaient entre eux. Mais bon, ça peut être ce qu'on pourrait appeler des mantismes. Une forme de mantisme où il y aurait un mantisme anthropomorphique. Je ne sais pas si vous comprenez. J'ai vécu un phénomène qui a duré quelques temps, il y a plusieurs années. Vers 2005, je me réveillais, j'étais entre un état de veille et de sommeil, puis j'étais dans un état d'amnésie totale. Je me rappelais plus qui j'étais, je me rappelais plus où j'étais, puis j'étais terrorisé. J'étais dans un état de terreur. Puis bon, mais j'étais pas au courant après que ça faisait partie d'un certain processus, puis que je me faisais... Il y a des choses qui... Oups, j'en ai perdu pas mal. Il y a des choses qui se passaient. Puis bon. Il faut quand même au moins l'appartenant qui porte l'énergie pour des polarisations. Vous voyez? Ben oui, moi je suis pas isolé, là. J'ai-tu l'air d'un asocial? Je suis pas social, mais je suis pas un asocial. C'est qui, M. Sabourin? Charles Sabourin. Monsieur Sabourin, c'est un monsieur qui était un collaborateur de Bernard de Montréal pendant sa période des années 80, fin des années 80. Puis Monsieur Sabourin, c'est un monsieur qui est bien connaissant dans l'audiovisuel, ces choses-là. Puis c'était lié à ça, entre autres. C'est un ami aussi de Monsieur Payotte. Sabourin, ça te met en colère? Non, je l'aime bien, mais Monsieur Sabourin. Je suis en colère pour lui, jusqu'à un certain point. Est-ce qu'il va y avoir une descente d'énergie majeure pour... Ben là, ça dépend, c'est du cas par cas. Hein. Ta vibration est faite pour nous. La vibration à 100 pièces de Sabourin est faite pour d'autres. C'est plus cher que ça, me semble. Moi, en tout cas, j'ai eu une consultation avec, puis il me répétait des choses que je l'avais déjà entendu dire en vidéo. C'était supposé être une pratique. C'était plus cher que ça. J'ai trouvé ça cher un petit peu. Puis moi, quand je paye, c'est moi le client. Hein, puis je suis bien sévère quand je suis client. C'est pas drôle de m'avoir comme client. Mais je suis bien. C'est mieux d'être correct. C'est mieux d'être bien fait. J'ai jamais retourné une assiette dans un restaurant, mais quand c'est pas à mon goût, j'y retourne plus. C'est tout. À un moment donné, il faut être à la hauteur de ce qu'on vend. Bon. C'est pas obligé d'être en contact physique au début. Ça aide le partage sur la net pour apprendre au sujet du support. Ben oui. Qui aide à intéresser à la. De toute façon, vous allez finir par. En tout cas, ce serait supposé vous rendre compte que au niveau du supramental, ça parle à travers tout le monde. C'est juste une question de conscientisation dans le sens que. Moi, il y a des choses extrêmement brillantes qui m'ont été dites par de l'intelligence non égoïque à travers des égos de gens qui ne s'intéressaient pas du tout à ça, à travers des personnes âgées, à travers des enfants même. Puis les personnes, je suis persuadé, ils ne savaient même pas pourquoi ils me disaient ça ou ils accordaient une autre signification. Ils accordaient une signification. Mais c'est vous, par votre vibration, vous allez accorder de la parole aux autres. Puis c'est par votre écoute. Vous rend, en étant disponible, vous allez vous rendre compte que votre propre énergie va mettre en mouvement n'importe qui peut mettre en mouvement du monde autour de vous. Mais il faut pas aussi avoir passé le stage où il y a un enthousiasme puéril. Quand vous voulez parler du supramental à tout le monde, il y a de quoi qui marche pas, là. C'est pas vous êtes dans une phase d'intégration. C'est pas normal d'avoir envie de parler de conscience avec la caissière au dépanneur, par exemple, parce que c'est pas ajusté. Mais vous allez finir par vous rendre compte que tout en ayant des conversations tout à fait normales, vous allez pouvoir être capable de faire une étude de la parole des autres, à travers les autres. Ils n'en auront même pas connaissance. C'est pas nécessaire là, d'aller courir les sabourins, puis au moins, là. Vous êtes en contact avec des l'être humain est incarnant, peu importe qui. Bon, il y a de la pollution, oui, mais à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas juste ça. Pour la descente de l'énergie, il faut avoir un récipient solide. Oui, je suis d'accord. Il y a des supramentaux très feu et sec, ça manque d'huile de la source, d'où l'effet de l'électrification à outrance. Ben, ça prend des chocs. À un moment donné, Bernard, il a sacré un coup de pied en pleine conférence dans une table, ça a tout sens. Puis, ben lui, il avait eu la vibration de faire ça, puis il réfléchissait pas au fait qu'il avait fait ça, mais ça avait donné un choc au monde. Ça prend des chocs aussi. Donc, entre amis, ici, Charles est plein de suffisance, orgueil, même s'il a son double. Bernard était comment ça avant sa fin? Ben, c'est un peu pour ça que je dis qu'il faut aimer le monde. Il faut aimer le monde aussi, là. Dans le sens que c'est pas juste un mouvement. En tout cas, j'ai de la misère à commenter ça parce que là, plein de suffisance, je trouve ça un peu sévère. Un petit peu sévère. Si tu es sensible à la vibration, tu vas entendre ton esprit parler au travers d'autres personnes. Non? Oui. Ben oui. Ça peut sembler surprenant, mais oui. Puis ça m'est arrivé. Même des fois, j'étais complètement surpris. Des fois, ça peut venir des gens, là. Ils se rendent même pas compte de ce qu'ils viennent de dire. Puis, c'est tellement intelligent, j'étais stupéfait. Donc, s'ajuster avec son discernement, tu vois. Il était percutant pour moi. J'ai dû dépasser la forme avec toi. J'ai dépassé des mémoires. Tant mieux, mais à ce niveau-là, je vais avoir servi simplement de votre support. Si vous avez eu la capacité de dépassement, ça venait de vous. Donc, ça prend de l'intelligence. Ben oui, qui a du cœur. Oui, ben, il faut avoir du tout, de tout, partout, tout le temps, même temps. Mais ça fluctue, donc. Dominical. Ben oui, mais c'est juste par rapport à dimanche. Nous sommes dimanche. Il y a quelqu'un l'autre fois qui m'écrivait, qui disait « Bonjour de la Dominique », qui m'écrivait de la Dominique, c'est simplement parce que Christophe Colomb a découvert cette île-là un dimanche. Puis « découvert » entre guillemets. Parce que, bon, lui, il faisait juste s'attribuer des découvertes. J'avais rien d'entrée, fait-il longtemps? Ça fait une heure déjà, presque. Alors que je disais que ça ne dure pas longtemps encore. C'est ce que je dis. Dans le fond, j'ai fait le live pour dire ce que je voulais dire au début. Je voulais que ça soit enregistré quelque part. Donc, insalé de la France. Oui, ben, de la France, êtes-vous dans un département d'outre-mer? Non, hein, vous êtes sur le continent. La vérité, elle, la réelle, c'est simple pour ceux qui sont sans émotionnel ni croyance. Moi, ben, vous savez, la croyance, ça a été, c'est nécessaire encore pour beaucoup de gens. On peut pas. C'est pour ça, moi, je m'attaque jamais. J'essaie de pas. Chacun son affaire dans le sens de son parcours, son bon. Je vais réécouter le début. Ah bon. Ben, vous savez, là, peut-être que ça sera pas en ligne tout de suite après. Des fois, ça prend 24 heures. Mais je voulais que ça soit enregistré pour que je l'ai écrit, là, sur un carton, là. Donc, est-ce que de l'identité, ça se développe ou ça se forge dans les chocs? Je dirais les deux. Les deux. L'identité, là, ça va être lié à des expériences souvent expérimentales qui vont brûler de la subjectivité dans l'ego. C'est là, il va y avoir un centre qui se crée, si on peut dire. Quand la personne ne se cherche plus. Quand vous avez une vraie identité, vous ne pensez plus à ça, l'identité, ça vous... Même là, je ne suis pas encore rendu tout à fait là, là. Mais... Plus vous avez de l'identité, moins ça devient important. Il n'y a plus de crise d'identité en tout cas. Mais la crise d'identité, c'est de l'intelligence en vous qui se manifeste et qui essaie d'attaquer la subjectivité. Il y en a encore dans le milieu même du monde que c'est pas des vétérans, puis pourtant ils ont des crises d'identité. Donc, pour rire un peu, j'ai mis le souhait de rêver un fantasme coquin avec une dame charmante que j'apprécie. Et le rêve, c'était qu'elle m'engueulait parce que, ben oui, mais c'est un espace. Parce que je m'étais tapé sa fille. Ouais, ben, voyez, là, il y a de l'intelligence derrière la forme là, qui essayait de vous dire quelque chose. Les autres sont... Vous savez, les formes pensées, c'est des formes. Là, dans le sens, c'est comme... Vous pouvez pas objectiver les gens comme des objets dans votre mental. Je sais pas si vous comprenez, là. À un moment donné, oui, il y a des dames charmantes, mais c'est pas leur image dans votre mental n'est pas là pour... en tout cas, mais oui, je trouve ça comique parce que vous vous êtes fait remettre un peu à votre place. Comme tu as commencé ton live avec Ro, peux-tu élaborer davantage? Ben, j'ai rêvé que... Ben, rêvant, guillemets, ça me disait, ben même ça a pris la forme de quelqu'un que je connais qui allait avoir ça, Ro. Qui allait avoir cette phase-là. Alors, le timing, là-dessus, je me trompe quasiment tout le temps, fait que je ne sais pas quand. Mais ils vont sauter une lettre. D'après moi, là. D'après ce que j'ai cru comprendre, là. Faut-il croire aux prophéties? Ça dépend des prophéties. Si c'est par déduction, c'est pas des prophéties. Prenez là, l'affaire la mère Shipton. Dans le temps, il y a longtemps, elle avait dit « Les voitures évolueront sans chevaux et des accidents causeront du désarroi dans le monde. » Mais ça, c'était de l'humour quelque part, mais il y avait une vibration de réel de cacher dans l'humour de ça. Les prophéties de la mère Shipton. Je ne sais pas si y en a sont au courant de... Bon, du coup, c'est peut-être vieux un peu comme référent. Est-ce que de ce... Désidentifier peut amener à une forme d'identité. C'est parce qu'il y a une fausse identité souvent. La personnalité subjective qui est engendrée par le jeu subtil entre l'inné et l'acquis, c'est pas réel, ça, c'est circonstanciel. Donc, à mesure qu'il y a une conscience intégrale qui se développe, qui est capable de brûler de la subjectivité, ne serait-ce que par une vue objective, par la création d'un espace objectif. C'est ça, la création d'une identité réelle. C'est-à-dire qu'il va y avoir une capacité intégrale de voir l'irréel. il va y avoir, l'ego va se voir lui-même, puis se dépolluer lui-même par un espace qui n'est pas lié à de la subjectivité, dans le sens que c'est un peu comme quelqu'un qui finit par comprendre pourquoi il est alcoolique, puis il cesse de boire parce qu'il a intégré le conflit. Ça, c'en est le début d'une identité réelle. C'est la même chose, c'est le même processus, mais à une échelle plus grande. Donc, est-ce que tu poses des questions au plan systémique? Ben oui. C'est comme ça que j'ai eu mon roux. J'ai reçu des tapes dans le dos, puis j'ai donné un roux. Tu peux inviter le corps astral de la dame. Ouais, c'est ça l'affaire. Là. C'est parce que au niveau des formes pensées, il y a les plans. Hein. Puis, au-delà de la physique des particules, il y a d'autres mécaniques. Là. Donc, quelque part, quand vous fantasmez sur quelqu'un, ça peut être un peu comme un viol, là, quelque part. Donc, si la personne n'est pas d'accord, ça se peut que le retour que vous allez vivre, il ne sera pas plaisant nécessairement. Ça n'est pas toujours aussi drôle. Donc, si tu es en début de conscience et tu comprends bien le jeu malveillant du monde de la mort, j'imagine qu'un jour, nous pourrons refuser d'entrer dans ce fameux tunnel de la mort. Ouais, ben, ce fameux tunnel-là sera engendré par la propre lumière du défunt d'un de ses corps subtils qui est aspiré vers l'astral, puis il y a une illusion parce qu'il y a une réflexion de sa propre lumière. Je ne sais pas si vous comprenez. Fait que oui, mais c'est comme juste des fois, il va falloir enregistrer au niveau du vécu une capacité empirique qui va se faire automatiquement quand la personne va être désincarnée. C'est-à-dire, il y en a qui vont dire « moi je ne vais pas là puis j'attends ». Ce ne sera pas parce qu'au niveau, quand vous êtes désincarné, vous n'avez plus le plan psychologique comme on l'a ici, c'est plus pareil. Mais ça va vouloir dire que ça a été intégré de son vivant, ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Comment on va savoir si je communique bien avec mon double ou avec une entité du haut astral qui m'accompagne depuis petite, que j'ai toujours appelé mon Jésus ou ma petite voix. C'est au niveau de la forme qu'il y a de l'astralité, mais possiblement qu'il y a une source en arrière de ça intéressante. Ah, bonjour de Bretagne. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il fait beau en ce moment? Et vous mettez un soleil, habituellement, il me semble qu'en Bretagne, il fait pas beaucoup de... Bon, mais vous imaginez, vous êtes un soleil. Parles-tu à voix haute au plan? Les fais-tu fréquemment? Non. C'est très, très rare. C'est pour ça que j'aime ça exercer la parole, dans le sens de faire des lives. Parce que c'est non. Moi, c'est tout le temps à l'interne. Ça m'est arrivé, admettons que je voulais... Ça m'est arrivé de le faire, oui, mais c'était pour des raisons d'expérimenter quelque chose. Mais rêver, c'est pas tromper, là, ça dépend. Ça dépend, entre autres, ce que vous voulez dire par là. Y a-t-il un gros nettoyage énergétique pour le moment? C'est du cas par cas à mes yeux, mais si vous parlez au niveau... Moi, je trouve qu'en ce moment, ce serait plus le contraire. Là. Mais s'il y a des cassures engendrées par de la tension collective, oui, ça va se faire tout seul. J'ai bel et bien commencé à intégrer la réalité il y a 6 ans, quand ma tante s'est suicidée et que j'ai retrouvé mon père mort d'alcoolisme dans son lit, comme si j'avais fini un contrat avec eux. Ben... Oui, là, c'est délicat, là, ce que vous dites, c'est du cas par cas. Parce que, moi, disons que c'est délicat, je peux pas vraiment me prononcer, mais c'est intéressant. Mais oui, juste de vous rendre compte que ça venait pas d'eux. Hein. C'était pas, justement, là, c'est la fausse identité qui a besoin de boire, puis c'est la fausse identité qui se suicide. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il a fait toutes les saisons en une seule journée. Oui, ben, qui sait. Mais c'est la Bretagne, je sais qu'il y a bien des gens là, par là qui... C'est changeant la température, semble-t-il. Seule la neige nous manque. Ah, ici, j'en ai... Ah, je pourrais vous en vendre, mais elle va devenir de la pluie en chemin. Merci, bonne soirée. Ben, bonne soirée, Muriel. Mathieu, j'ai oublié de préciser que moi-même, j'ai arrêté de consommer. Bon, ben, vous voyez, il y a quelque chose de karmique qui est réglé quelque part, parce que votre père, lui, il a arrêté en décédant. Donc, depuis ce moment avec mon père, moi, ben, c'est vous qui avez réglé le conflit. D'une certaine façon, vous avez intégré quelque chose que lui n'a pas intégré. Vous savez, il est écrit là, que la faute du père retombe sur le fils. Des fois, c'est au fils à régler le problème du père. Puis c'est une loi évolutive, ça. C'est aussi une loi évolutive. Si vous continuez, si vous n'aviez pas arrêté, par exemple, ça serait devenu une loi évolutive. Mais comme vous voyez, ça m'a frappé quand oui, ben, l'alcoolisme est un bon exemple. Parce que étant québécois, c'est quelque chose qu'expérimentalement, j'ai beaucoup observé. Ici, là, il y a des fois, je me demande si il n'y a pas une vibration de la Russie presque dans mon coin. En plus, il y a des bâtiments religieux orthodoxes russes. Fait qu'en hiver, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être. Impression qu'une personne a attrapé une maladie à ma place. Ah, ben, peut-être que vous faites un transfert au niveau de. En tout cas, je ne peux pas vraiment. J'ai du sang irlandais et acadien. Ah, ben, vous voyez, c'est des gros karmas collectifs, ça, les deux. Puis, ben, probablement que j'ai de l'irlandais aussi, mais je ne suis pas certain. Il faudrait que je remonte du côté de ma mère. Que je regarde ça. Mais oui, comme Acadien, moi, je me souviens de quand j'étais allé en Acadie, j'avais visité des lieux, puis il y avait une sorte de réminiscence par rapport, vous savez, là, le grand déplacement, la déportation des Acadiens. Puis je remarquais aussi dans ces coins-là une grande pauvreté chez les gens. Puis même si j'avais à peu près 13 ans, j'ai instinctivement fait un lien entre cette mémoire-là, puis qui est entretenue dans une espèce de peine collective de souffrance et la pauvreté du lieu, des lieux que je visitais, la pauvreté des gens. Donc, même ça, c'est bien avant que je lise Bernard ou que j'écoute des affaires sur le supplément. Je veux dire, j'avais peut-être des prédispositions. Mais à cette époque-là, la mère de mon père a nous cassé les oreilles avec Bernard. Elle ne nous lâche pas. Mais c'est peut-être ce que je veux dire par là, c'est peut-être au niveau de la vibration. Que j'ai finalement j'ai pu constater ça, puis que je me rendais pas compte que finalement peut-être que j'ai subi la vibration de ma grand-mère, puis même la vibration de Bernard, mais inconsciemment. Puis quand je suis allé en Acadie, puis que j'ai vu ça, la grande pauvreté associée à une espèce de trouble d'identité collectif, entre autres, puis de réminiscence de. Vous savez, là, il y a certains peuples, là, la mémoire, puis le devoir de mémoire, ça va servir si ça ne se répète pas. Là, c'est bien pire parce qu'on a pu aller déporter les Acadiens. Ils sont assujettis quand même sur place. C'est pas. Donc. Camille, au fait, merci pour les réponses sur Outlook hier. Ah, ben, de rien. Mais je dois avouer que je ne me souviens plus après. J'ai répondu à plusieurs personnes. Puis même des fois, je devrais passer vraiment toute la journée juste faire ça. Pas je fais les premiers. Mais je dois en avoir qui attendent depuis longtemps dans le bas de la page courriel. Mais je dois vous avouer, je ne me rappelle pas hein, ce que je réponds. Puis c'est du tac au tac, là. Donc. Je ne peux pas savoir c'est quoi ce que je vous ai répondu, je ne peux pas m'en souvenir. Donc, mais quand il y a des gens là, que je sens, je le vois par la vibration, donc c'est vraiment pour chacun. Même ça m'est arrivé de répondre des choses qui en apparence pourraient paraître contraires d'une personne à l'autre, mais c'est pour raison de. C'est réel les deux, là. Donc. Hey, monsieur Touga, vous avez plein de messages retirés. Ah, OK, vous l'avez retiré par après. Bon, c'est correct, comme ça, vous contrôlez vos propres archives. C'est bien. Donc, les réponses spontanées. Oui, ben, c'est ça, c'est toujours spontané. Il faut que ce le soit. Au début, quand on essaie de parler librement d'une façon spontanée, sans réflexion, souvent on répond des conneries. Puis comme on n'a pas de mémoire à ce niveau-là, quand on fait cet exercice-là, il y a des fois un manque au niveau d'un suivi, d'une linéarité. Mais par après, des fois, on regarde à nouveau et on se rend compte qu'il y en a une linéarité. Il y a une logique au-delà de la logique qui englobe toutes les autres logiques. J'ai écouté l'interview de Jean-Luc Knill. Il est un psychiatre et était un proche ami de Bernard. Il disait que nous étions obligés de suivre notre programmation. Oui, ben c'est qu'il n'y a rien d'autre. Dans le sens, vous pouvez, si au niveau de votre intégration, vous faites sauter une programmation, vous tombez dans une autre programmation, mais qui est plus... Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Il n'y aurait pas de loi évolutive. Il n'y aurait pas sorti de l'évolution. Mais tout est programme. Le plan matériel, au niveau des lois cristallines de l'architecture de l'énergie, il n'y a pas le choix d'être une forme de cybernétique autorégulée. Il y a des lois. Des lois. C'est dans ce sens-là, moi, à mes yeux. Donc, au niveau de se défaire de la mémoire de la race cette année, je me sens incapable de sortir le sapin de Noël normalement pour les enfants. Vous savez, moi, je n'ai jamais fêté ben Noël, puis je ne décore pas, parce que pour moi, Noël, premièrement, c'est lié à la fête du Christ. C'est pas la bonne date. Il y a aussi le fait que, pour moi, c'est important Noël au niveau collectif. Les familles, et puis ces choses-là. Mais vous savez, l'arbre de Noël vient du paganisme allemand. Moi, je peux pas non plus de faire un arbre de Noël. Je le ferais peut-être si j'avais des enfants au niveau de la mémoire collective des Canadiens français. Mais c'est la reine Victoria qui avait marié un Allemand, puis lui, il avait des sapins, parce que c'était un Allemand. Puis là, vu qu'on est, bon, vu que c'est l'empire sur lequel le soleil n'a jamais la paix, il y a des sapins partout à cette heure, il y en a même au Japon. Mais pour eux, c'est plus un festival à la mode, là, depuis les années 80. Bon, du coup, je vois pas de mal, dans le fond, à l'arbre de Noël. Ça dépend ce que, si vous voyez si vous voyez ce qu'il y a dedans, puis ce qu'il y a en arrière, puis ce qu'il y a à côté, puis ce qu'il y a autour, ça peut être intelligent de faire un arbre de Noël. Donc, c'était trop personnel. Oui, j'avais compris. Et pour le live, quand ça prend 24 heures, on a juste à rester sur... Ah oui, c'est vrai. Ben, si vous copiez l'adresse, là, en ce moment, vous allez pouvoir la remettre. Est-il possible de se déprogrammer et de mettre un autre programme à la place et ne pas suivre le programme? Vous savez, là, c'est quoi l'homme nouveau? C'est un être qui va entrer dans sa conscience intégrale et être créatif, c'est-à-dire qu'il va être son propre programmateur, c'est-à-dire qu'il va être, il va avoir un espace au-dessus qui va s'être créé. Je ne suis pas au-dessus de l'ego, je ne sais pas si vous comprenez, là. Donc, oui. Ben oui. Mais vous pouvez, vous n'avez pas le choix. Mais prenez la psychologie. La psychologie fonctionne comme ça. Comme les gens qui ont des phobies puis qui ils vont se défaire d'une phobie en confrontant leur peur, ce sont des contre-programmes. C'est utiliser des contre-programmes. Donc, j'ai trouvé excellent le film Dark City. Merci pour la référence. Là, je vais écouter THX. Moi, je pense que THX est meilleur parce que c'est moins lié à... Comment je pourrais dire ça? Le problème avec Dark City, c'est que c'est lié à... C'est trop stylisé, moi, je trouve. Il y a quelque chose de stylisé puis trop basé aussi sur une certaine ambiance. Donc, non, quand tu essaies de faire, c'est juste la suite de la programmation. L'affaire, c'est que les programmations au niveau de l'être humain psychologique sont psychologiques. Donc, il faut sortir du psychologique, là, pour voir la programmation, juste voir la programmation. Vous savez, vous ne pouvez pas voir, faire le tour d'une maison, comprendre sa structure si vous n'êtes jamais sorti de la maison. Donc, ça prend des espaces objectifs. Sinon, c'est une vue subjective. J'ai dit à ma fille de 23 ans de le faire si cela lui faisait plaisir et que finalement, cela ne me dérange pas. Il faut respecter la vibration des hommes. Ben oui, c'est ça. C'est bien correct. C'est comme, j'en ai des proches qui décorent pour Noël, puis j'ai aucun problème avec ça. Puis je les complimente sur leur décoration, je veux dire sur leur programmation. Il y a une fois, par contre, il ne faut pas me demander d'aller acheter des affaires de Noël. Il y a une fois, quelqu'un dans ma famille m'a demandé d'aller chercher une décoration de Noël, puis je lui ai ramené un espèce de rat en peluche avec une petite tuque de Noël. Je l'ai appelé, c'est le petit rat de Noël. Ouais, c'est ça la décoration. J'ai dit, oui, c'est ça, 3,99 chez Jean Coutu. Oui, j'ai vu, j'ai été envoyé deux mails qui se complétaient. Tu m'as répondu dans l'ordre décroissant. Chaque phrase de ta réponse est complexe. Ah, ça se peut. Je devrais les voir. Pourtant, vous savez, je réfléchis pas en écrivant. Puis oui, je réponds probablement à l'envers, au niveau de la chronologie. Il y a un temps et une rythmique. En ce moment, je ne pense pas que beaucoup de gens peuvent se reprogrammer créativement. Ben, ouais. C'est une science qui est réelle, mais pas encore accessible. Ben, pas à une majorité en tout cas. Mais il y en a. Il y en a. Puis il va en avoir de plus en plus. Puis c'est pour ça que, prenez, là, en ce moment, là, il y a beaucoup de confrontations entre des gens spirituels, genre Nouvel Âge, puis des gens, je dirais, plus catholiques ou traditionnalistes. Puis il y a une polarisation extrême dans les deux camps. Puis les deux subjectivisent le débat. Puis personnellement, moi, je fais partie ni d'un groupe ni de l'autre, puis je regarde ça. Puis je trouve ça ridicule d'un bord comme de l'autre, mais je vois les gens dans le sens que c'est pas du mauvais monde ni d'un bord ni de l'autre, mais les deux ont leur subjectivité puis se confrontent. Donc, pourquoi je disais ça, non? Il y a un temps, un rythme, je mange pas que des gens. Ah oui, je parlais pas encore accessible, c'est ça. Parce que ça, c'est lié à. Pourtant, il y a du réel de chaque côté. C'est les gens qui sont pas réels quelque part. Prenez, à un moment donné, Bernard, il dit, si les gens étaient réels, il n'y aurait pas des questions, il y aurait juste des réponses. En tout cas, c'est pas que c'est mal le sapin, oui, au collectif, oui, mais individuellement, ça défend en moi ces réflexes culturels. Moi, c'est parce que aussi, moi, je vois la mémoire en arrière, je suis capable de remonter à la source du sapin. Dans le sens du paganisme, de l'arbre de vie, puis la lumière de vie qui descend. Donc, ce n'est pas nécessairement mauvais, mais ça a tellement été déformé par, en premier, le chamanisme, après ça, le paganisme, après ça, le judaïsme, je dirais, mais eux, ça venait d'autres peuples du Moyen-Orient, là, leurs arbres. Puis après ça, le judaïsme, après ça, le christianisme, puis bon. Mais c'est une forme, c'est juste ça l'affaire. C'est une forme. Prenez là, la mythologie scandinave, l'arbre, puis l'énergie qui passe dedans, ben, l'énergie entre guillemets, parce que c'est pas ces mots-là. Mais c'est une forme, c'est juste de comprendre, c'est une forme. Donc, de ne pas non plus polariser le formel. Le problème avec c'est dès que quelque chose devient assez dense pour être une forme, il y a une polarisation magnétique de la forme, parce que quelque part, il y a un corps subtil. C'est un peu ça, un symbole, c'est une forme qui contient d'énergie. Puis l'énergie, quand elle est dans une forme, ça devient polaire. Je sais pas si vous voyez là. Donc, bon. Jamais reprogramme, ça fonctionne très bien. Bon, mais tant mieux. Je veux dire, c'est pas que c'est. Mais oui, bon. La Vestale, vous verrez dans le temps. On verra. Ben oui, de toute façon. Comment je pourrais dire ça? Une vue, c'est une vue. Donc, si on pose la question, on a la réponse quelque part et quand oui, parce qu'on est justement, on est en train de sortir d'une dépolarisation. Puis la question, puis la réponse, c'est des formes équivalentes dans le sens, je ne sais pas si vous voyez là, quelque part et comme vous avez déjà dit, la réponse que vous donnez peut être plus pure pour que pour le questionneur. Moins. Ben, c'est là que des fois, ça peut être intéressant là, de jaser avec d'autres. Dans le sens, vous posez une question, vous avez votre propre réponse, mais l'autre vous donne sa réponse, puis vous vous rendez compte que votre question, c'était pas nécessairement la même que lui, comment il voit ça. Puis ça aide à élargir un peu les. Mathieu Touga, je le fais depuis plusieurs années maintenant. Alors, vous parlez de vous reprogrammer. D'où l'intérêt de parler, d'échanger. Sophie a sa propre communication. Ben, c'est parce que il n'y aura pas une vue objective de votre rapport à vous-même sans les autres. Je ne sais pas si vous voyez, si vous faut se regarder agir par rapport aux autres. Il y a des choses, des fois, que j'ai fait par rapport à d'autres, puis je ne savais même pas pourquoi. Mais j'avais suivi de la vibration pareil. Puis par après, là, je voyais. Bon. Je vais finir par le sacrateur. C'est un gros entrepôt dans notre mémoire collective. Oui, Noël, parce que c'est devenu. Ça, anciennement, c'était le soleil invisible, puis c'est lié au. Bon, en tout cas, il y a des vieux rites cycliques. Puis il y a eu. Vous savez, là, le Christ est pas né le 25 décembre. Là. En tout cas. De toute façon, est-ce que c'est important? Ce qui est important, c'est qu'il est né pour qu'il. Bon. Ensuite, il est pas mort, entre guillemets. Ça va vite, là. J'en perds. D'où l'intérêt. OK, c'est une forme. Oui. OK. Je n'échange là d'ici avec quasi personne. Je ne connais personne dans la supra. Vous n'avez pas besoin d'être dans de la supraconscience. Je parle, moi, au niveau de tous les jours, là, même des conversations anodines. Si vous voyez derrière les formes, vous allez pouvoir faire une étude de la parole quand même. C'est pas formel, là. C'est pas nécessairement formel. Il me semble avoir capté de Bernard concernant la fin de cycle que nous sommes bridés jusque-là. Toute fin de cycle concernant nos pouvoirs psychiques et télépathiques. Ben, ça dépend, là. Parce que le cycle est vu à travers une lentille, donc c'est pas tout le monde qui est rendu à la même place dans le cycle. Il y a un petit décalage. Puis, tant que vous voulez des pouvoirs, si vous êtes dans le corps d'un désir d'avoir des pouvoirs ou des capacités, là, vous allez être bloqué, puis c'est correct demain. Donc, humilité, orgueil, polarité dont tu parles dans une vidéo, je n'ai pas compris. Voulais-tu dire qu'un individu de très humble est aussi très orgueilleux? Souvent, ça arrive, j'en ai vu. Du monde orgueilleux de leur humilité, j'en ai vu beaucoup. Du monde qui n'ont rien et sont fiers de ça, là. Parce que justement, ils ont polarisé la richesse dans le négatif. Là. Je suis peut-être pauvre, mais moi au moins, je suis honnête. Ça, c'est de l'orgueil. Parce que du monde riche, honnête, il y en a. Fait qu'il y a un problème, là. Ou du monde qui ont honte de leur argent. Il y en a une madame, elle est allée voir Bernard, elle dit, je me sens assez mal. C'est de la fausse humilité, ça. J'ai trop d'argent, je me sens mal. Bernard l'a regardé, il a dit, bon, ben, allez tout sortir ça de la banque, là, on va mettre ça dans des petits sacs, puis on va distribuer ça dans ça. La madame a gardé son argent, elle a compris ce qu'il voulait dire. En voulant dire, viens pas me tanner, là, arrête de niaiser. Donc, se pourrait-il qu'on ait tous le même esprit? Ben, l'esprit, c'est universel. Vous pensez quoi? Que l'esprit, c'est individuel? Bonsoir de Belgique. Bonsoir. J'ai expérimenté et été initié à la supraconscience avant de connaître la notion. Oui, ça fait du bien de se retrouver au moins sur YouTube. Oui, ben, il y a des gens qui vivent des choses puis ils tombent sur le matériel après. Il y a des gens qui vivent, ils tombent sur le matériel en premier puis après ils vivent des choses. Il y a des gens, c'est en même temps. Mais c'est du cas par cas. Je connais. Est-il un artiste capable de faire de la musique non astralisée? Ben oui. Ben moi, en tout cas, je sais que je suis capable de faire de la musique non astralisée. Pourquoi? Parce que c'était purement systémique. Ça ne peut pas être astralisé quand c'est purement systémique. Alors, pourtant, c'est beau quand même. Puis quelqu'un d'émotif va ressentir des émotions. Parce que ce qui est harmonieux, c'est beau. Ça suit des lois. Vous avez compris, malgré mon erreur, je ne ferai pas, ça se peut. Des fois, ça m'arrive que je me trompe, puis pourtant, c'est bien écrit. D'autres fois, je vais voir bien écrit ce qui est mal écrit. Je n'arrive pas à expliquer le personnel. Là, ça va un peu vite, là, je perds des choses. Oh, il y a ça que j'aime pas en tout cas. Donc, intéressant, Madame la Vesta. Et moi non plus, je ne parle pas beaucoup avec des gens. Peut-être que vous parliez même pas à moi, je suppose. En dehors d'une forme de spiritualité des lois, des fois, leur bonne humeur me met en colère. Ouais. Ben, moi, ce qui va me mettre en colère, c'est pas la personne, c'est d'autres choses. Ça va être la subjectivité dans la personne, comme les gens qui deviennent très, très enthousiastes parce que c'est nouveau pour eux. Puis là, ils veulent se garrocher, là. Puis je suis en colère parce que je sais que ils vont tomber, ils vont se mettre en initiation. Il y en a un que j'avais plus de nouvelles, puis qui m'a réécrit, puis comme de fait, il me dit il était plus qu'à... C'est parce qu'il était mis en initiation, je lui avais dit. Donc, il n'avait plus la capacité de m'écrire. Il n'avait plus la possibilité. J'ai vu des gens perdre leur maison, perdre leur emploi, perdre leur femme, perdre leur travail, tout perdre. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas intégré harmonieusement le matériel. Bon, leur propre matériel même. Puis ils étaient subjectifs. Ils se sont mis en initiation. Ils ont tout perdu. Puis là, ça prend des années pour intégrer. Je ne suis pas dans un corps de désir, je songe plutôt à la légitimité de récupérer ce qu'on nous a volé. Mais là, juste là, il y a quelque chose de... À un moment donné, je parlerai de ça. Vous savez, l'astral ne peut pas voler ce qui n'est même pas à son niveau, là. Puis, il faut qu'il y ait eu une faille pour qu'il y ait eu un vol. Moi, je ne peux pas aller vous voler si votre maison est barrée et qu'elle est tenue comme du monde. Comprenez-vous un peu, là? Oui, il y a des droits, si on peut dire, mais c'est les droits de l'homme à sa propre énergie. Mais il faut qu'il y ait la capacité, dans le sens que le droit est lié à un injuste. Il faut que ce soit ajusté. On ne peut pas vous voler ce qui ne peut pas être volé. Puis un voleur ne va pas prendre des choses qu'il ne maîtrise pas. Comprenez-vous, là? Il y a des choses que c'est pas tout l'astral, là. Il y a des blocages que c'est pas juste ça, là. Donc, je mets ma tête en bas de temps en temps. Ça fait du bien. Tout le cerveau se fait lourd. Et... Ah oui, ça se peut à un moment donné que je m'achète, vous savez, là, on s'attache les mollets, puis on se met à l'envers, là. Il ne faut pas le faire ça trop longtemps parce que là, vous pouvez avoir des micros, des petits micro-éclatements, puis c'est pas très bon. Je voulais dire, musique à texte. Ah oui, ben moi-même, au niveau de la musique, moi, je suis même plus capable d'en écouter. J'ai bien de la misère. Il faut que je sois vraiment dans une phase, de subjectivité, puis où des fois, ça m'arrive de retomber nostalgique. Je me rappelle, dans le milieu des années 80, j'haïssais tout. J'aimais pas la musique, je trouvais tout laid. Puis des fois, pourtant, j'ai la nostalgie de ce temps-là. Au début des années 90, là. Puis pourtant, il me revient une nostalgie de ça. C'est bizarre, hein? Pourtant, je trouvais tout laid. J'aimais pas la musique, j'aimais pas. En tout cas, 5 années de fidélité. Monsieur Berthold, je vous écoute depuis Exagèse. Merci pour tout ce que. Ah bon, ben, il n'y a rien là. Hein? Ça m'a apporté aussi. Oui, le son, la musique, ça suit des fois. Vous savez, là, c'est très astral, la musique. Comme les gens qui ont des verres d'oreilles, vous le voyez que c'est lié à la vibration de l'âme puis à la mémoire. Je suis pour le fait qu'on retrouve tout le pouvoir psychique et télépathique. Oui, mais là. Je ne pense pas qu'à ma personne, mais à tous les cochons. Oui, mais là, on parle de cochons, là, faut pas donner de perles au pourceau. Dans le sens que, admettons, vous avez un enfant de 8 ans, puis il veut aller conduire la Ferrari, allez-vous lui donner les clés ou attendre un peu? Il y a des gens, là, ils sont même contre le systémique, c'est-à-dire les lois de logique et d'harmonie de l'énergie carrément au niveau de la cristallisation des formes. Puis, ils sont contre ça parce qu'ils ne savent pas qu'on soit libre. Mais oui, mais si d'être libre, ça va vous détruire. Si d'être libre, c'est dangereux à ce niveau-là parce que les corps ne sont pas là. Un enfant de 4 ans ne peut pas conduire une Ferrari, là. Il faut attendre un petit peu. Donc oui, à mes yeux, il y a quelque chose là dans le corps de désir. Moi, est-ce que les pouvoirs, les capacités que j'ai pas, je cours pas après tant que ça, là. Je sais qu'il y a des raisons. Peux-tu développer un seul esprit? Ben oui, mais l'esprit, là, c'est pas, faut pas le voir égoïquement. Faut pas le regarder psychologiquement. Ça peut pas être c'est individuel au niveau du contact avec une lentille. Dans le sens, vous mettez une loupe sous le soleil, puis tout d'un coup, un petit point lumineux apparaît au sol, c'est-à-dire dans le plan matériel de l'incarnation. Mais l'âme, c'est... c'est vrai, là, il y a le soleil, il y a le rayon, il y a la lentille, puis il y a le point. Mais le soleil est à tout le monde. Comprenez-vous? En tout cas. Je suis pour le hockey. Petit oui. Si le chat commentaire va trop vite pour vous, pouvez-vous mettre le chat commentaire ou non? Je ne sais pas. Vous savez, je ne suis pas très technologique. Pas parce que je ne suis pas bon, mais parce que je n'ai pas la vibration de. Moi, j'ai une mémoire qui n'est pas la mienne de technologie, qui est même pas. On n'a même pas besoin de support. Ça irait bien plus vite si c'était de la pensée pure télépathique. Hein. J'ai tout perdu moi-même, jusque dans mes petites bobettes carrées. J'ai dû jeter à la poubelle même des albums photos. Oh oui. Ah, vous avez eu un sinistre. J'imagine qu'il y a eu de l'eau. Ouais. C'est chien de même. J'ai perdu ma santé, mes ressources, mais surtout mon orgueil. Ben, c'est dommage. C'est pour ça que j'ai de la misère avec les gens qui veulent être mis en initiation puis qui m'écrivent « Aide-moi à me mettre en initiation. » Je leur dis « T'es bien parti. » Ça va arriver. Moi aussi, à un moment donné, j'ai perdu ma maison puis j'ai perdu bien des affaires. Puis en plus... faut pas, je pense, mais parce que là, c'est intégré, mais en tout cas, Zappa, c'est pas mal à écouter. Ah, je connais pas beaucoup Frank Zappa. Vous savez, moi, en musique, je connais surtout les chanteuses réalistes là, de 1910 jusqu'à la fin des années 40. Je suis une espèce de quétaine, là. Ben quétaine. Puis, vous savez, là, si vous saviez à quel point... ce que je connais le plus en musique, c'est que vous seriez surpris à quel point c'est de la musique de la vieille grand-mère. Je suis un fan de Bertilva, de Damia, de Fréhel. Mais là, j'en écoute plus. Ça fait des années que j'écoute plus de musique. Pourquoi? Parce que ça fait vibrer l'âme. En plus, c'est tout le temps la chanson réaliste, c'est plus irréaliste. C'est juste du larmoiement, puis de la. Bon, du coup, c'est une petite parenthèse musicale. Là. L'esprit est une connexion universelle, et voilà. Mais même au-delà de ça, il y a les circuits universels. C'est-à-dire que l'esprit, c'est un monde avec ses propres lois à main. Mais là, oh. L'esprit n'est pas une forme comme l'âme. Comment je pourrais dire ça? Ça serait comparé à un char avec du gaz qu'on met dedans, de l'essence. Donc... de l'essence, c'est pas c'est liquide, c'est volatile, ça y a pas de mouvement. Sans ça, on pourrait comparer, s'il y a des véhicules, hein, mais l'esprit, est-ce que c'est un véhicule? Ou quelque chose qui passe à travers les véhicules, éléments en mouvement? C'est pour ça un peu la comparaison avec le soleil. Donc, une petite mini Ferrari. Ben oui, mais vous allez tourner en rond en cours. C'est ça, on l'a déjà toute, la petite fille. Quand j'écris quelque chose, je dois souvent retenir sur ce que j'énonce initialement pour ajuster la formulation. Avant d'être satisfait d'envoyer, est-ce un signe de... pas nécessairement. De toute façon, s'il y a des réajustements, puis ça veut dire qu'il y a une habilité qui se crée. Vous faites un exercice. C'est jamais mauvais. qu'est-ce que le psycho-électromagnétique est-ce relié à la pensée émotive qui agit comme pas vrai. Oui, mais d'une certaine façon, mais là, psycho-électromagnétique, c'est lié carrément à l'incarnation au sens. Vous savez, les cellules relient le corps au plan. C'est pour ça qu'on n'est pas des machines. Il y a d'autres corps. Dans le sens que le cellulaire, il y a quelque chose d'électrique dans le cellulaire. Juste le neuronal. Dans le sens, comment je pourrais dire ça? Prenez un électro, en fait, un encéphalogramme qui change quand quelqu'un est dans un état psychique différent. Il y a quelque chose de psychoélectrique là. Puis magnétique au sens de le corps planétaire. Donc, c'est lié à l'incarnation puis au vivant, le fait qu'on est animé, qu'on est en vie, qu'on n'est pas juste des machines. Donc, c'est plus ça, là. Au niveau de l'émotivité, ça, c'est purement magnétique quelque part, mais ça va influer sur tout le psychoélectrique dans le corps, dans le sens que il y a des gens, ils peuvent faire une syncope, là, à cause de l'émotion. C'est tout lié, parce que les corps, là, c'est un terminal, hein, le plan matériel. Donc, les pouvoirs de l'esprit viendront quand ils viendront. C'est pas un truc qu'on cherche à développer. Voilà. Ça vient quand on arrête de chercher. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de chercheurs puis pas beaucoup de trouveurs. Il y en a bien, là, à un moment donné. Je suis tanné de chercher puis là, ils arrêtent puis là, pouf! Mais des fois, ça peut prendre du temps. Il y a de l'écœurement. Ça en prend. Wow, en s'appropriant les chansons avec nos propres notes, vibrations harmoniques, paroles. Les inversants, par exemple, nous pouvons aussi s'en servir. Produire du chi. Moi, là, on s'en va plus dans le. Moi. Je me rappelle quand je jouais du violon, j'avais des réactions physiologiques étranges à certaines vibrations. Même spécial, là. En tout cas, je ne peux pas nécessairement parler de ça. Buckethead, c'est Buckethead. Oh. Donc, vous savez, j'en écoute plus moins de musique, mais si vous dites ça pour tout le monde, c'est... Bonjour, Nella. As-tu des nouvelles de ton ami de la Réunion? Oui. Oui, oui, j'en ai eu. Tout va relativement bien, semble-t-il. Ça se finit par se réarranger, là. C'est pas tout le monde qui... Mais j'étais inquiet parce que j'en ai vu qui ont été mis en initiation, mais ils l'ont pas passé. Ça arrive. Puis dans le fond, là, c'est l'entourage qui est initié à de la souffrance expérimentale quand quelqu'un passe pas. Ça se transfère sur tout le monde autour. Donc, il faut qu'on arrête de réfléchir et qu'on se mette en mode observateur de notre environnement. Au présent, sans... Oui. Ben au moins en faire l'exercice de temps en temps parce que l'intellect s'en prend un peu. Sinon, là, si à maton, j'avais plus du tout d'intellect, ben là, je serais un débile, là. Je deviendrais un débile. Je pourrais plus fonctionner, là. Pas encore. Il y a quelque chose de transitif. Il faut que ça soit progressif. Difficile d'enlever l'inquiétude pour autre quand on s'y attache. Ouais, surtout quand j'ai en mémoire des expériences que d'autres ont eues. Ma référence en matière de musique, c'est Serge Gainsbourg. Ah oui, ici en Belgique, c'est tout ce que l'on a de valable en matière de musique. Vous êtes sûr? Il y en a d'autres intéressants. Des Belges. Il me semble, Marie Dubas, c'était pas une Belge? J'aime bien, moi, Marie Dubas. Ouais. Bon. En demeurant centré, je me sers de la musique pour convertir mon astralité en énergie vitale et me récupère de plus en plus. Il me récupère, moi. Ben oui. Ben moins vous allez motiver, puis moins il va avoir plus qu'il va avoir d'énergie qui est réacheminée à l'ego. C'est un début de fusion, ça. Parce que dès qu'il y a de l'énergie de réacheminer à l'ego, qu'anciennement, ça était pris dans des blocages qui drainaient de l'énergie. Donc, cette musique qui ne sonne pas astrale, c'est Bach joué par Glenn Gould. Ouais. Mais, Glenn Gould, au niveau créatif, il y a son quartet, là. C'est de la musique de film d'horreur, ça. En plus, lui qui disait que, voyons, que Béla Bartók était pas un compositeur surestimé. J'en aurais long à dire sur Glenn Gould. Moi, à mes yeux, il a de l'astral chez ce bonhomme-là. Puis il est complètement dans l'âme, là, quand il se met à. Il fait comme Mario Dumont, là, puis il tourne. Puis, pas capable de s'empêcher de chantonner. Puis. Il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose d'intéressant au niveau systémique chez Glenn Gould, tout ça, oui. Mais, en tout cas, grâce à vous, j'ai découvert Sabourin. Je ne ressens aucune impression vibratoire en l'écoutant, mais je le trouve intéressant. Oui, ben, Monsieur Sabourin, il est très, très terre à terre. Moi, je le trouve bon pour un peu, des fois, amener les gens à du plus concret au niveau d'une pratique. Mais c'est une phase, hein, moi. Faut pas. Je veux pas. Comme là, ça fait un bout de temps là, que. Bon, ça devient un peu de la répétition à un moment donné, là, après plusieurs années, à l'écouter, mais il y a tout le temps quand même quelque chose que bon. Si je comprends bien, la mise en initiation, c'est pas un passage obligé. Comment l'éviter? Ben, en intégrant. En intégrant à mesure de plus en plus. Mais ça, il y en a que c'est un passage obligé, je pense. Parce que sinon, la personne va être en stase. Mais ce que je dis, c'est que de. Comment je pourrais dire ça? Il est possible d'intégrer au niveau de brûler une subjectivité à mesure avant d'être dans un mouvement de mise en initiation. Mais pour ça prend énormément de capacité à transmuter par des chocs au lieu d'entrer dans un mouvement d'un succès. Tu sais, le choc, ça dure pas longtemps, ça. Puis s'il y a un blocage, là, il va y avoir une. Donc, mais c'est du cas par cas. Comment l'éviter? Vous savez, il n'y a pas de recette. Donc, ça devient difficile. Quand vous dites char, ça me fait penser plus à un tank qu'à la voiture. Moi, c'est parce qu'ici, on appelle ça des chars, parce que. Ben, c'est ça. C'est un langage. Dans le fond, ça viendrait de. Vous savez, là, les vieilles calèches. Quand est arrivé les voitures, après, on appelait ça des chars. Mais un char, c'est tout ce qui a quatre roues, là. Ou même trois, vous savez, les chars romains. Même les. Vous savez, les ovnis des plans séraphiques, là, qui étaient appelés des chars de feu. Gainsbourg est le seul artiste qui avait conscience qu'il pratiquait un art mineur. Moi, j'aime pas la vibration de ce bonhomme-là, ben, franchement, là. Puis, pour toutes sortes de raisons que. Allez écouter l'entrevue de Serge Gainsbourg avec Jean-Pierre Coallier à Adlib, l'émission Adlib. Adlib, c'est en latin, un terme latin. C'est Jean-Pierre Coallier, son interview de Serge Gainsbourg. Puis Jean-Pierre Coallier, il l'a vu tout de suite que M. Gainsbourg, il lui recommençait ce qu'on pourrait appeler, lui faisait son show, là, puis il a complètement défait ça. Il l'a complètement, là. Gainsbourg est arrivé en état très alcoolisé, là, puis très mineur, là, si on peut dire, là, en mode mineur. Un artiste très mineur, il est arrivé comme ça, puis M. Coallier a vu tout de suite le jeu, puis il lui a carrément dit. Puis c'est là, Serge Gainsbourg est là, ah, il est pas con, il est pas. Je trouve que c'est peut-être un des interviews les plus intéressantes de Serge Gainsbourg. C'est rare que quelqu'un. Jean-Pierre Coallier n'était pas impressionné. C'est là que c'est intéressant. Puis que ça va. En tout cas, par où commencer pour voir si on peut faire de la bourse? Ben, il faut vous ouvrir un compte. Un compte où vous pourrez transiger. Ça prend un compte. Tout simplement. Il y a des services. Pour transiger des valeurs mobilières qui sont données par des banques. La plupart des gens qui commencent, ça va être là. C'est-à-dire, vous allez voir si les commissions, c'est pas trop cher, là. Parce qu'il y a des banques que c'est carrément, ça n'a aucun sens, là. Les commissions sont beaucoup trop chères. Vous choisissez, pour commencer, c'est mieux d'aller par l'entremise d'une banque, par exemple, qu'un fonds de. Parce qu'il y a aussi d'autres types, mais c'est parce que ça va être plus simple. Puis vous regardez les tarifs des commissions, puis vous magasinez ce qui va être le plus avantageux pour vous. Comme il y a des endroits, c'est vraiment beaucoup trop cher, là. Ça a vraiment pas de sens. Il y a aussi, il va y avoir des tarifs par rapport à... Au début, ça donne rien de faire beaucoup de transactions par année, mais il y a certaines institutions, si vous faites plus de, par exemple, plus de 100 transactions par mois, là, ils vont vous baisser le prix des tarifs, c'est des forfaits. Mais il faut vous regarder ça avec un conseiller de... Mais là, attention, là, peut-être que c'est... J'ai vu des gens, moi, se ruiner parce qu'ils n'avaient pas la vibration de ça. Donc, de commencer, mettez jamais tous vos œufs, là. Jamais, jamais. Il faut pas. Surtout au début. Donc, le but est de s'incarner dans la danse de la Terre et s'en servir comme d'un trampoline pour échapper au joug satellitaire. Oui. Ben, c'est-à-dire que c'est un peu comme une école, si vous voulez. Je suis allé dire des fois une prison parce qu'on y a de la domi on est dans un, sur une planète qui a de la domination. Mais c'est un peu comme une école. Si vous êtes un bon prisonnier, vous allez être libéré peut-être plus rapidement. Donc, un minimum de cage d'or. Ouais, il y a des endroits, ils vont vous demander un dépôt. Vous ne pouvez pas arriver avec un petit peu d'argent, là. C'est pour ça là, qu'avant de vouloir faire de la bourse, il faut avoir un peu d'argent. Quand même, là, vous ne pouvez pas arriver à partir de rien. Là. De toute façon, pour faire de l'argent, ça prend de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez, là, dans le sens que si vous faites des petites transactions, là, des petites transactions là, de quelques centaines de dollars ou d'euros, vous ne ferez pas assez, même si jamais vous avez un bon mouvement, vous ne ferez pas assez pour rembourser vos frais. Là, à ce moment-là, ça donne rien. Là. Ah, vous parlez de Bach. Vous parlez pas de Glenn Gould, joué par Glenn Gould. Moi, ça peut être intéressant, mais tant qu'à ça, il y a d'autres interprètes qui sont bien aussi. Il n'y aura pas le chantonnement de Gould, puis les craquements de chaise. Puis, des fois, on dirait que Gould est en train d'enregistrer assis sur une caisse de bois dans un étau de drogue. C'était pas le cas, mais ça sonne comme ça. Qu'est-ce qui nous dit que la matrice dont nous voulons nous échapper n'est pas mieux que ce qu'il y a de l'autre côté? Ben, de quoi? Pourquoi vous échappez de la matrice? Moi, j'ai jamais parlé de s'échapper d'une matrice, hein? Moi, je parle d'intégrer les lois. Moi, à mes yeux, c'est pas irréel, hein? Le plan matériel ou ce que les gens appellent la. Ce qui est irréel, ce qui est la vraie matrice, c'est la subjectivité de l'intellect. C'est la subjectivité psycho-affective de la façon de traiter l'information qui engendre ensuite des mouvements qui sont évolutifs, qui tournent en rond. Donc, puis de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? C'est pas cloisonné comme ça, là. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Bien, pour certains, c'est l'astral. Dans le sens qu'ils vont être une mémoire enregistrée, puis c'est tout, là. En tout cas. Gainsbourg, il était trop vulgaire, j'aime pas à cause de ça. Moi, je vais être franc avec vous, là. Moi, j'aime beaucoup sa chanson, j'aimais beaucoup, parce que je n'écoute plus de musique vraiment, mais j'aimais sa chanson de Point sonore des Lilas, puis c'est à peu près tout. Tout ce qu'il a fait par après, là, sa période avec Harley Davidson, puis avec d'autres, des femmes là, qui étaient ben, des femmes, j'ai presque envie de dire, des jeunes femmes, disons. Bon, du coup, ça pour. Bon. Vanessa, c'était pas lui aussi, Vanessa. Oui, je me rappelle ça. Ah, il y avait beaucoup. Il y avait à déjeuner, il y avait du jambon et deux. C'est quoi le problème d'aller dire quelque chose comme ça? Vous savez, les gens qui sont des provocateurs, c'est pas nécessairement un mouvement évolutif de briser des vieilles formes. On n'est pas pour briser, là. C'est là, en ce sens-là, oui, je le trouve vulgaire, mais plus que vulgaire, vulgaire, ça veut dire commun. Donc, je dirais grossier, un petit peu. Donc, le chant est un bon outil pour exercer son autorité. Ah oui, sûrement. La maîtrise du verbe, bien manier l'astral. Oui, ben le chant, oui, il y a quelque chose de vibratoire dans le chant. Puis qui est lié au corps aussi. Dans le sens, vous savez, un cœur dans une chorale, les cœurs des gens, le cœur, l'organe, ils vont se synchroniser. Ça a été vérifié par cardio-encéphalogramme. Ce serait intéressant une vidéo uniquement sur la mise en initiation, mais j'en ai fait une il y a longtemps. Je suis dans un fauteuil, il y a une bibliothèque derrière moi. Au contraire de Sabourin, il y en a qui laissent une forte impression vibratoire, mais ce qu'ils disent me semble gravement erroné. Oui, c'est parce que c'est pas la forme qui est importante, c'est la vibration. Tout simplement. Puis même si vous êtes à vous dire, ah, oh, ça c'est gravement erroné, c'est parce qu'il y a une interprétation que la personne en parlant, la personne parle librement. C'est la vibration qui est haute, pas la forme. Vous pouvez dire quelque chose d'erroné avec une très haute vibration. Si la personne qui écoute n'a pas la subjectivité de s'arrêter à la forme, elle va monter en vibration. Donc, c'est subjectif, ça là, semble gravement erroné. Il y a toujours un peu de réel dans l'être humain qui ose parler. Tout le temps, un petit peu, ne serait-ce que la vibration. Je vais devoir vous laisser, ça fait 1h45. Je vais devoir aller dîner. Imaginez, il est 15h15 et je n'ai pas dîné encore. Et si je ne me force pas à manger, je l'oublie. Intéressant, oui, donc, il n'a pas été ébloui par les mensonges du personnage. Jean-Pierre Coallier, moi. Jean-Pierre Coallier, vous savez, c'est ce qu'on pourrait appeler un fantaisiste, là, un animateur de variété. Mais c'était un homme très, très intelligent. Pas au sens nécessairement intellectuel, mais très, très observateur, très à l'écoute, très présent. Puis, il s'est pas laissé. Je pense qu'il n'était pas content de voir arriver M. Gainsbourg dans cet état-là. Puis, il n'était pas impressionné non plus. Puis, c'est là qu'il a complètement défait la vibration de M. Gainsbourg, qui était vraiment une vibration de merde à ce moment-là. Puis, ça a été très intéressant. Ça a été très intéressant. Puis, je trouve ça, c'est mémorable. Moi, j'ai vu ça, j'étais enfant. Ben, je me couchais très tard étant plus jeune, je me couchais plus tard que maintenant. Puis Adlib, c'était les émissions de fin de soirée que j'aimais. Puis je me rappelle aussi, Serge Lama a été reçu au Grand Blond avec un show sournois. Comment il s'appelle lui? Marc Labrèche. Puis Serge Lama, c'est quelqu'un qui a une certaine orgueil, puis quelqu'un qui se prend très au sérieux, qui se voit vraiment comme un très grand artiste. Serge Gainsbourg, c'est pas ce point-là, mais Serge Lama, vous savez, il était là en tant que très grand artiste. Puis Marc Labrèche a un humour complètement ridicule, vraiment, là. Puis Serge Lama était complètement décontenancé cette fois-là. Je veux dire, j'ai jamais retrouvé, mais je m'en souviens très bien, mais j'ai jamais retrouvé l'interview qu'il a eue avec Marc Labrèche. Mais Marc Labrèche était tellement ridicule. Serge Lama était complètement décontenancé. Il savait pas du tout comment réagir. C'était très drôle. C'est dans les choses les plus drôles que je n'ai jamais vues. Il y avait une vieille dame d'à peu près 90 ans qui était assise aux côtés de Marc Labrèche avec des lunettes de soleil comme une aveugle, qui souriait bêtement, là, toute croche comme ça, là. C'était vraiment pathétique. Et Marc Labrèche avait regardé Serge Lama en lui disant, « Je vous présente mon épouse Cosette. » Et Serge Lama était là, « Ah, oui, enchantée, madame. » Il n'arrivait pas à perdre son sérieux. Et c'était vraiment ridicule. C'était tellement ridicule que le fait que Serge Lama était à ce point-là incapable de sortir de son sérieux, c'est ce qui rendait la situation extrêmement drôle. C'est une des choses les plus drôles que j'ai jamais vues. Et je pense qu'il a pas refait d'émission au Québec depuis cette époque-là. Depuis ce temps-là, il n'en referait pas non plus. Impossible. Je crois que M. Lama était complètement décontenancé, puis que maintenant, il nous considère comme un peuple de cons. Mais au fond, c'est le contraire. Donc, vous avez Pierre Jovanovic qui a une chaîne, il parle de crypto-monnaie. J'aime bien Monsieur Jovanovic et j'aime beaucoup Iris Jovanovic, que j'aime beaucoup, vraiment très, très jolie, Iris. Pour la bourse, par expérience, moi, je recommande surtout de ne pas jouer avec les effets de levier. Ah, pourtant, je dirais que c'est du cas par cas, ça dépend à qui. La musique non astrale, c'est le chant des oiseaux. Oui, mais là, c'est plus de la musique, c'est repos. Vous savez, un oiseau, là, il chante pas. Vous savez, quand vous regardez un petit oiseau là, qui est sur sa branche et qui chante, entre guillemets, lui, il se prend très au sérieux, il est impressionnant, il est en train de crier son territoire. Ici, c'est chez moi, c'est mon territoire. Et il est très sérieux, et il se croit très impressionnant. Un petit oiseau qui fait sa chanson le matin, entre guillemets, sa chanson, lui, pour lui, là, il est d'une éloquence, d'une prestance, une autorité, il émet de l'autorité. Il dit, ici c'est chez nous, puis je ne veux pas en voir un autre venir ici, c'est mon territoire, puis comprenez? Donc, puis les oiseaux, après aussi au niveau de parler entre eux, c'est un langage. Hein? En tout cas, c'est pas vraiment de la musique, sinon on pourrait dire que, bon, Vanessa Paradis, oui, c'est à l'époque, oui, il disait ça, il y avait beaucoup de jambon et deux œufs, j'avais trouvé ça épouvantable de la part de M. Gainsbourg. C'est une vraie honte. L'esprit est-il une seule énergie répartie dans plusieurs individus et filtrée par l'ego de celui? Et voilà. Il y a un esprit pour chaque individu au niveau d'un contact avec les égos. C'est comme ce que je vous disais, là, une loupe sous le soleil, il va avoir un petit point lumineux pour chaque loupe. C'est ça qu'on pourrait appeler l'esprit individuel, mais la source de ça reste le même soleil. Moi, ma musique non astrale préférée, c'est Mario Pelcha qui pleure dans la pluie. Ah oh, oui. Trouve ça. Moi? Ah oh, oui. OK. Ben, moi, je reste un bon chanteur quand même, mais bon. C'est pas mon chanteur préféré, mais bon, est-ce que c'est vraiment pas astral? Moi, mes yeux, toute musique est astrale, là. Plus ou moins, mettons, plus ou moins. Gainsbourg, c'est vraiment pas intéressant. Ben, quand il était plus jeune, il y a eu une phase intéressante, c'est ce qui l'a fait connaître d'ailleurs. Bertel, tu cuisines des chinoiseries. Ben oui, ben, vous savez, j'ai le même goût pour. J'ai le même intérêt pour le même genre de saveur qu'eux. Il y a beaucoup de choses là, que les gens trouvent, des goûts que les gens trouvent horribles, que moi j'aime beaucoup. Donc, bon, ben oui, j'aime, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai des goûts peut-être qui pourraient être vus comme étranges. Donc, je suis à la recherche des fois des saveurs que des gens fuiraient. Serge Lama, une fois, une personne, elle a pris un chameau et dans le métro, ils ont fait une vidéo liée à Serge Lama. Mais bien fait la vidéo, elle avait vu beaucoup. Moi, bon. Céline Dion aussi, à un moment donné, elle se mariait à une espèce de mariage genre maghrébin avec Renan Gélul, puis il y a une espèce de franc-maçon par rapport d'ici là qui est à la télé, là, un chimiste devenu amuseur public, Jean-René Dupafort, qui a amené un dromadaire au mariage, puis se pensait bien comique. Bon, ben, vous savez, quand il y a un cirque, ça attire des clowns. Pas chameau, un lama, désolé. Ouais. Ben oui, ben c'est Serge Lama, sinon ça n'aurait pas été drôle. La neuroscience est intéressante au niveau de l'étude des pensées, des croyances qui modulent notre biologie humaine et notre CEM électromagnétique. Oui, j'ai eu un intérêt pour ça. Vous savez, c'est une explosion de lumière, un cerveau. C'est juste qu'on ne le voit pas. Si on pouvait, je me rappelle avoir vu une vidéo qui parlait de l'idéalisme au sens de l'immatérialisme de Berkeley et qui disait que le cerveau percevait la lumière alors que lui-même était une masse sombre, ce qui est totalement faux. Ce qu'il n'y avait aucune lumière. Dans... Non, c'est totalement. Le cerveau n'est pas une masse sombre, c'est un réel feu d'artifice. Si on pouvait devenir transparent puis se regarder dans le noir, on verrait que nous sommes totalement électrifiés et que l'intensité de l'activité cérébrale et puis ce qui longe tout le corps à travers la moelle épinière, on verrait que nous sommes de réels feux d'artifice, des feux de Bengale, mais encore beaucoup plus complexes que ça. Ce serait très intéressant. mais nous ne sommes pas rendus à pouvoir filmer ça. Ce qui est dommage parce que ça l'a mis à terre. Oui. Ben, j'avais trouvé ça tellement drôle. Les Français, écoutez, Richard Séguin, ben, ils doivent le connaître. Ben oui, ils doivent le connaître. Ceux qui ont eu et connu les années fin 80, début 90, doivent le connaître. Il y a beaucoup de chanteurs québécois qui sont plus connus même en France qu'au Québec. Donc, mais moi, pour moi, Richard Séguin, c'est une espèce de... un petit côté hippie, là. Vous savez, Bernard, à un moment donné, il avait dit que pour lui, 98% des artistes étaient des crétins. Mais ça, c'est parce que c'est des gens qui vivent de leur sensibilité, ils vivent de leur art. C'était pas méchant, là. Mais pour moi, Richard Séguin, ben, c'est ça, là. C'est une espèce de... ces gens-là ne peuvent pas faire autrement que d'être politisés. Et prenez Michel Rivard, là. On est quasiment communiste. Puis pourtant, c'est du monde dans le privé. Ils sont loin d'être... c'est une sorte d'oligarchie quelque part. Prenez le plateau Mont-Royal, il y a du monde là-bas, ça se prend pas pour de la merde. Hein. Pourtant, moi j'ai vu des appartements d'artistes là, du plateau Mont-Royal, puis je trouvais qu'ils vivaient pauvrement. C'est incroyable de payer aussi cher pour des endroits comme ça. Oh. C'est vraiment des espèces de hippies. Est-ce que c'est ça la gauche caviar? Possiblement. Le cerveau, c'est comme du câblage électrique. Ben oui. Ben oui, c'est un circuit. Puis il va falloir un jour... on fonctionne un peu en circuit fermé au niveau des perceptions des influences extérieures. Mais après, en circuit fermé, ben un jour, il va falloir qu'il y ait un branchement, un rebranchement au circuit universel. C'est drôle, j'ai... ça, je voyais des choses par rapport à ça hier, puis je ne les retrouve plus. Ça me parlait les circuits universels. C'est quoi les circuits universels? Puis, il va falloir que je laisse à un moment donné. Là. Bientôt, je peux voir et sentir mon cerveau comme un soleil quand je me mets la tête en bas. Ben, c'est certain, parce que vous avez une pression au niveau vasculaire. Fait que c'est certain que ça augmente, mais vous savez que certaines personnes pensaient que si on réduisait la pression dans le cerveau, ça faisait qu'il y avait un flux plus rapide dedans. D'où certains rites de trépanation qui sont très mal compris. Il y a des gens il y a des anthropologues, là, puis des archéologues qui disent « Ah, les trépanations, c'était pour faire sortir les esprits, puis c'était des civilisations chamaniques. » Puis... non, non, non. Il y a un effet, là. Si vous changez la pression dans le cerveau puis que le flux sanguin fonctionne plus rapidement puis que c'est bien fait, il y a un effet, là. En tout cas. Moi. Oui. Richard Séguin joue le bon gars. C'est ça. Il sera pas tenté de... vous savez, moi, des fois, je fais le méchant. C'est bien plus intéressant comme rôle de composition. Le cerveau, c'est une autoroute des câbles. C'est quoi les goûts bizarres? Ben, vous savez, moi, je vais être porté à... ben, prenez par exemple... c'est parce que je veux pas non plus écœurer le monde, là. Mais, disons qu'il y a certaines saveurs dans certaines... vous savez, la Chine, c'est 9 traditions culinaires différentes. Très riche, très, très riche. Puis... notamment, il y a l'art crotté. Je joue beaucoup avec l'art crotté. Puis, vous connaissez les œufs de 100 ans, par exemple. C'est un peu l'équivalent de notre fromage. Mais c'est pas si mauvais. Mais moi, je trouve qu'il y a des liens avec le goût du fromage. Il y aurait des liens à faire. Donc, les plis dans les plats, rien n'en déplaise. Ah, je sais pas de quoi il est question. Le cerveau, c'est un circuit. Encore, oui. Un cirque cuit. Oui. Mais là, on est en cours de cuisson. Je cherche aussi en ce sens dans les épiceries asiatiques. Oui. Ben, il y a des choses, des fois, c'est surprenant, mais vous pouvez trouver l'équivalent dans des petites épiceries africaines. Parce que, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi c'est surprenant des fois. Même, vous savez... Il y a une herbe que je cherchais dans des épiceries asiatiques, puis je ne la trouvais pas. Puis à un moment donné, j'ai fini par trouver un fournisseur, et bien c'était un Indien. La même plante, simplement, elle venait d'une autre région, je ne savais pas qui. C'est du divertissement, Gainsbourg, je ne bois pas d'alcool, je suis végétarien. Je ne fais aucune fête, laissez-moi un petit divertissement. Ben oui, c'est bien correct. Vous savez, moi non plus, je fête pas, puis je bois pas, ben je bois plus. Tiens, ça commence à faire des jeux de mots. Allez-y, déconstruisez le mémoriel dans les mots. Non, ça devient du bricolage d'alchimiste. Tu m'écris aujourd'hui, puis tu me fais penser beaucoup à quelqu'un que j'ai connu qui était dans le langage des oiseaux, puis qui avait un certain enthousiasme pour ça. Puis ben franchement, là, moi j'aime mieux qu'on m'écrive normalement, sans trop bricoler avec ces choses-là. C'est plus intéressant de voir ce qu'il y a derrière les formes que de trop jouer avec. Parce qu'à un moment donné, ça devient, il se prend presque un effort intellectuel, puis là, du fond, on perd là-dedans. Yvan, t'as un compositeur à entendre? Moi, je sais pas, je connais pas. Oui, excellent, les autres s'entendent, oui, mais c'est très particulier. C'est ça, là. J'ai vu beaucoup de gens qui ont essayé d'en faire. C'est très difficile d'avoir la bonne recette, parce que ça vous les enterrer. Puis, bon. Puis, des fois, il y en a qui cassent la soupe, c'était liquide, c'est totalement raté. Vous avez beaucoup d'Asiatiques chez vous au Québec? Non. Ben, pas dans mon coin, en tout cas, il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'en ai beaucoup dans ma famille. J'en ai beaucoup aussi dans des connaissances. Ben, ici, les Asiatiques, ici, dans la ville, ici, je les connais pas mal tous. Puis, il y a surtout à quelques. Juste derrière moi, il y a une rue, on pourrait appeler ça le quartier vietnamien. Parce qu'il y a beaucoup de. Mais c'est tous des gens apparents. Vous avez beau moyen. Donc, j'ai sauté. Merci du conseil, ça m'a fait du bien. Non, je ne sais pas à quoi vous faites référence. À bientôt, oui, je vais aller dîner. Même s'il est tard un peu, là. Ça met énormément d'appétit, les épices, merci. Oui, puis même on peut considérer que ça fait jusqu'à un certain point partie d'une médecine alternative. Moi, j'ai ma pharmacie ici, juste à côté, à gauche, et puis mes épices sont ici dans ma pharmacie. Donc, ben, je peux vous montrer. Voyez? J'avais pas d'endroit où j'avais tout ça entreposé dans des boîtes et tout ce que j'avais de certaines choses. Puis finalement, je me suis commandé des pharmacies avec des clés là, pour pas que des imprudents aillent s'empoisonner. Puis finalement, j'ai mis mes épices là-dedans. Alors, j'ai pas de place, j'en ai tellement. Ça n'a aucun sens. J'ai de l'écorce de mandarine qui a plus de 35 ans, mais je la trouve pas. Elle doit être dans des boîtes à mon entrepôt. Elle est toute noire, elle devient de la poudre de quevrier. Mais pour faire le porc sûr, j'en mets toujours un petit peu. Vous savez, là, avec des haricots fermentés, j'en ai qui arrivent bientôt. Donc, merci. Bon, ben, merci à vous. Les Chinois qui jouent au quai ensemble, moi. Moi, je le vieillis pas mal. Dans le soufre hein, vibratoire, ça met de la gaieté, comme les oiseaux. Bon, les oiseaux, les petits oiseaux. Pierre-Jacques, j'ai observé des films qui sortent au cinéma pendant cette saison, comme Matrice, Résurrection, Immortel. C'est comme une réflexion de la mutation des gens avec la. Ben oui, mais est-ce que ce serait pas le contraire, c'est-à-dire qu'on influence la réalité? Est-ce que les gens pensent? Que c'est pas les gens qui influencent le cinéma, mais le contraire. Que c'est devenu ça. Ça pourrait expliquer pourquoi depuis 25 ans, je trouve tous les films moyens. De moins en moins bons, de moins en moins créatifs, de moins en moins intéressants. Tellement que maintenant, si j'ai le temps puis je décide d'écouter un film, je regarde l'année. Je regarde l'année, si ça a été fait après les années après l'an 2000, je l'écoute plus souvent. Ça m'intéresse pas, je suis persuadé que ça va être. C'est pas une pharmacie, c'est une pharmacopée. Oui, j'ai pas mal de toutes sortes de choses là. J'ai eu un intérêt aussi pour tellement. Finalement, avec les années, Bon, finalement, avec les années, comme il y a certaines plantes qui perdent pas, en tout cas, puis aussi j'ai des choses distillées, là, très, que c'est pas volatile, puis bon. Ce que j'aime bien avec vous et David, c'est que vous faites attention avec l'acère torique, qu'il y a une gestion de la vibration qui m'apparaît bienvenue. Oui, mais des fois, il y a des... on n'est pas parfait. Hein. Ah, ben merci. Oui. Ah, ben, si vous magasinez en ligne, vous allez peut-être les retrouver. Le chat est une de tes potes d'évolution, exercer à aimer, donner sans posséder. Oh, vous savez, c'est le chat qui m'aime. Il m'aime tellement que je ne sais pas ce que je vais faire. Je le soupçonne d'aller dans d'autres maisons. Je vais le suivre. Puis, je vais aller cogner puis dire bonjour, est-ce qu'on partage les frais? Film, il nous montre ce qu'il nous presse. C'est ça. Moi aussi, je le vois comme ça. Pourquoi? Parce que, bon, ben. Il y a le moins, je peux être pour. La part sûre, ça, c'est sûr que j'ai noté. Oui, mais les différentes recettes, là, différentes. Puis, mange pas trop de porc, c'est pas, c'est lourd, hein, puis, bon. Mais moi, c'est ça, ça donne. Bon, j'ai pas une alimentation parfaite. Les films influencent les gens. Oui, c'est ce que je pense. C'est pas juste un marché. On crée des marchés, puis entre autres, puis il y a des projets de société par certains groupuscules. C'est politique. Tout film est politique. C'est pas un Russe, ça, qui a dit ça. Je pense qu'il y a un cinéaste russe qui avait dit ça. J'aime beaucoup la cuisine malgache. Ah oui, j'ai des. Ben oui, j'ai des. J'ai des mélanges de carrés de Madagascar qui sont vraiment de qualité. Ben, ils viennent hein, de haricots fermentés, doivent être commandés seulement en ligne. Ben, je pourrais les faire moi-même, mais vous savez, ça prend les grosses jarres, là. Puis ici, il fait très froid. Vous m'imaginez avoir toutes mes affaires qui fermentent dans des jarres au côté, puis tout d'un coup, par le froid, ça casse, puis. Mes voisins vont devenir fous même quand les odeurs vont monter à leur fenêtre. Les extractions de teinture, ça j'en ai. Vous savez, un de mes rêves, c'est d'avoir un évaporateur rotatif dans mon propre laboratoire. Mais ça, bon. Les scénaristes, ils ont des messages. Ouais. Ben oui, les films, le cinéma est plus un. C'est totalement politique. C'est pareil comme dans le temps des Médicis là, à Florence. L'art. C'est pour ça que, en tout cas, au bout d'une heure de mise en vie, ça parle direct. Oh. En tout cas, ça fait 2 heures que je vais devoir. Tu cuisines avec des écorces moisies de parfois 35 ans. C'est général au Québec ou c'est toi qui as des goûts étranges? Ben non, ça fait partie de notamment de la cuisine, c'est Chouanaise. Vous savez, là, c'est pas moisi, hein, elle sèche, on la fait sécher à la noirceur. Attachée en croix, on les attache d'une certaine façon. Moi, je l'ai achetée, elle avait 25 ans quand je l'ai achetée. Donc, ça fait longtemps que je l'ai. Et puis, c'est comme le vieux thé, certains vieux thés, les thés pueurs, c'est plus ils sont vieux, mieux c'est. Puis, oui, des fois, il va se développer certaines moisissures qui sont bénéfiques. Il y a un thé moisi, là, entre guillemets, là. Il y a un petit champignon qui pousse dessus, c'est jaune vif, et on appelle ça de la poudre d'or. Et ça contient beaucoup de choses très intéressantes. Enfin, ça passe par en haut avant de passer en bas. Oui. Ça se vend pas en épicerie, non. Non, non. J'arrive même pas à trouver des jujubes. Vous savez, le fruit, j'arrive même pas à trouver ça à l'épicerie. Ils sont en train de standardiser la nourriture. De toute façon, je vais avoir de plus en plus de misère. Tu me feras un rôti de curry quand je t'écouterai à Québec. Ah, ben là, c'est assez rare que je fais des. Moi, ben, vous savez, si je cuisine pour plusieurs, donc je fais pas juste ce que je veux, là. Parce que sinon, tout le monde. Il y en a ici qui mangeraient plus. Monter en vibration, pourquoi est-ce si important? Ben là. Si vous voulez survivre, d'une certaine façon, vous aurez pas le choix. C'est la même chose que pourquoi rester en santé? Pourquoi avoir une bonne santé? Pourquoi être en forme? C'est pour ça, ça revient au même. Dark tu négliges pour devenir un boat people. Et vous savez, là, c'est assez les boat people là, dans les années 70, les Vietnamiens. Ils sont pas rancuniers hein, du temps de l'Indochine. Pas beaucoup. Mais maintenant, il y a. Je veux dire, c'est des gens quand même. J'aime beaucoup les Vietnamiens. J'aime bien les adaptogènes, champignons. Ah ouais, le cordyceps. Le cordyceps, c'est surprenant parce qu'il va zombifier une chenille et posséder son corps pour se déplacer, pour atteindre une certaine altitude. Et puis, c'est très cher, hein, les cordyceps. Pourquoi? Connais-tu la salade birmane aux feuilles de thé fermentées? Oui, c'est les seuls hein, qui cuisinent le thé comme ça. Mais ouais, j'ai jamais goûté, mais je sais à quoi vous faites référence. Donc, ah oui, vous avez trouvé ça. Ah, vous rêvez d'en trouver, moi. Hein? Et nous, on s'est fait bien couillonner avec son pénicillium. Ah, ben, vous savez, peut-être que c'est faut pas. En tout cas, moi, je n'ai rien contre la pénicilline. Je jube en épicerie. En vrai, je ne me souviens plus. Il me semble à Magog. Ah oui, vous savez, moi, je suis dans une région éloignée. Ce que je trouve de plus proche que je consomme de temps en temps, puis c'est les baies de goji, tout simplement, parce que c'est devenu à la mode chez les Madame Granola. Mais avant, j'étais obligé, il y a longtemps, j'étais obligé de les commander. Donc, en tout. Tu as étudié la médecine chinoise? Non. Non, pas du tout. Ben, la théorie, là. Ben, les principes, là, chaud, froid, humide, sec. Ben, jusqu'à un certain point, oui. Jusqu'à un certain point, oui. Mais vous savez, je suis très général dans mes intérêts. Donc, on peut dire, j'ai étudié un peu tout. Monter en vibration, c'est comme nettoyer des bijoux avec une machine à ultrasons. Oui, je dirais que c'est une belle métaphore, entre guillemets. Comme les machines là, pour les laboratoires, pour les instruments en stainless. Monter en vibration, c'est du ressenti ou ça peut être effectif. Ça, c'est effectif. Le ressenti est consécutif au reste. Je vais vous laisser parce que il est toujours à manger. Puis en plus, ça fait un bout de temps là, que je suis penché. Si vous voyez comment je suis organisé, là, vous savez, là, j'ai un petit siège japonais. Donc, je suis penché comme ça. Mon ordinateur est sur une caisse en bois, puis je commence à avoir mal dans le bas du dos un petit peu. Il va falloir que je bouge. Ça fait 2 heures. Et des mémoires de moine Shaolin. Non, non, pas du tout. Ah non, au contraire. Au contraire. Je dirais, on pourrait dire, vous savez, ils n'ont pas eu juste des amis, eux. Il y a eu d'autres mouvements. Donc, non, on pourrait dire ceux qui leur ont fait face à un moment donné. Bon, merci beaucoup. Ben, bonne nuit à tous. Ben, bonne soirée, bonne nuit, bonne journée. Donc, à la prochaine. Au revoir.